Nazareth. Tous les jours je fume, je me dis demain j'arrête. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Pour leur modèle, devant la maille, devant les femmes, trop de principes, on reste modeste. Les types ont cramé nos disques, les bitches ont capté nos vices. Je fais des avances à sa maîtresse, mon fils joue à la play dans la putette. Fais bien les choses, la vie c'est traite. Le fils du voisin joue à la dinette. J'ai pas l'argent par la fenêtre, tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros, j'ai dit bah moi l'argent. Niska était dans la maison. NRJ. It's music only. Ouais, je crois que j'écoute un petit peu trop Vince. Hein. Vince que vous allez retrouver dans un instant sur NRJ comme chaque soir à partir de 21h. Ouais, c'est ce qu'il dit en fait à chaque fois qu'un auditeur arrive à l'antenne. Il dit son prénom et il dit « Être dans la maison !» Et puis la rafait sur NRJ. Ah, j'écoute trop cette émission. Ben faites comme moi, branchez-vous sur NRJ comme chaque soir entre 21h et minuit pour écouter Vince et toute sa team. Je vous promets que vous allez passer un bon moment. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain 20h pour une nouvelle playlist partagée. N'hésitez pas à la faire dès maintenant sur NRJ.be. Gros bisous, ciao. Love me tonight. Give me your heart and intertwine. Your body's a mine, body's a mine. I got words on my mind, words on my mind. Listen to the cruel echo and following the mood that's flowing. Yeah, we're like a wave that's growing into a song so loud I gotta get it down. Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'énergie. Tiens, on démarre pas comme d'habitude, on démarre pas avec l'intro, mais c'est normal, c'est juste pour vous dire déjà à l'avance, bienvenue sur l'énergie, il est 21h, branchez bien sur votre casque, branchez tout ce qu'il faut faire, montez le volume de la radio parce que d'ici quelques minutes ça va faire mal. Il y a tout le monde de la team qui est là, ça va tout le monde, vous allez bien? Mesdames et messieurs, aujourd'hui ça va être une émission spéciale. Une émission où nous allons parler de choses très importantes qui vont vous mettre une pression hors norme. Oui, votre internet peut bientôt changer, on en parle juste après l'intro. D'ailleurs l'intro elle est où? Je trouve même pas mon intro. Anna. Elle est où mon intro? Mais je veux mon intro. Mon intro, donnez-moi mon intro. Donnez-lui son intro. Mais j'adore comment je commence cette émission comme ça, tu vois, à blanc, rien. Et ça se voit que j'étais faire une sieste 2 minutes en fait. Hein. Oh, mais, ça, hey, mais c'est un truc de ouf en fait. En plus, c'est la vérité. Mais c'était pour ça. Allez, c'est bon, je l'ai. Voilà, musique, maestro, let's go. On se fait plaisir. Allez, hop là. Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission, car vous pouvez griller vos enfants parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons aux CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur NRJ. Allez, bienvenue tout le monde, voilà cette fois-ci, on y est bien là. Ah. C'était quoi ce signe? Alors, je sais pas, à mon avis, c'était Nigel qui nous a fait un petit bruit genre Alors, d'habitude, en début d'émission, on dit un truc, c'est Vince est dans la maison! Vous allez rigoler, vous savez quoi? Mon casque il est cassé. Je sais pas ce qui se passe, c'était plus d'émission, c'est un truc de ouf. Oh, je vous jure. Comment ça il est cassé? Impossible. Est-ce que quelqu'un peut amener un casque à Vince? Je te jure, j'ai un côté qui fonctionne plus, mais comment ça mais se fait? Mais parce que tu maltraites. Mais non, pas du tout, mon casque je le pose toujours au même endroit et tout. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui l'utilise le week-end, je sais même pas pourquoi. Vraiment. Eh, tu me dis s'il fonctionne de ton côté, Nigel. Hein. Eh, mais j'ai vraiment pas de bol déjà. Non, c'est cassé ici. Ah, donc c'est cassé ici. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une émission avec une oreillette. Bon, bah, je vais faire avec, hein. Ouais, ça va être bizarre, mais c'est pas grave. Faut souffler dedans, peut-être qu'il y a une poussière. Ah, c'est peut-être possible. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lara, comment ça va Lara? Ça va super bien. La vie est belle. Ah ouais, ça va bien. Ton casque, il fonctionne bien à toi, ça va? Il fonctionne bien, je vous entends très purée. Bien. Oh purée, je suis deg, je vais arriver comme ça, je vous jure, c'est perturbant. Non, vous avez pas idée à quel point, c'est comme, je sais pas moi, un pilote de Ferrari, il peut pas tourner à droite. C'est le même délire, tu vois. T'as un avion, tu peux pas planer vers la droite. Ah, c'est chaud, ouais. Ouais, donc là, mon cerveau, en fait, j'arrive pas à utiliser le côté droit, j'ai l'impression, non, c'est trop bizarre. Mais ouais, on va y bosser, on va essayer, je crois qu'il va falloir amener le tour. Vis à mon avis, hein, Lara. Non, c'est Lara, toi-même, tu sais. Le week-end, il était cool, ça a été bien tranquille. Bien, tranquille, ouais. Pépère. Eh ben, formidable. Et puis Nigel aussi, quand même. Je suis merci. Non, Nigel. Ça va, tranquille, franchement, ouais, très très bien. Ouais, petit bon week-end ici. Ouais, j'ai passé un bon week-end et tout, franchement, c'était hyper cool. Eh ben, voilà qui fait plaisir. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Lara? Dis-moi, fais-nous. La musique est méga forte. Mais tu sais que j'entends pas, je te jure. Tu sais qu'on dirait que tu débutes en réalisation. Ouais, bah, on dirait Nigel en 2016. Ouais, comme Nigel, on s'est début. Attends, je vais taper. Oh, ça y est, putain, c'est revenu. Mais voilà. C'est revenu, j'ai. Ah, la vieille technique. Je vais faire engueuler. Non, mais tu sais, d'habitude, tu tapes toujours sur le truc et puis ça y est, il y a le truc qui se relance. Bon, j'ai arrêté de taper dessus, sinon ça va de nouveau déconner. Eh ben voilà qui fait plaisir. Ça va, Nigel, donc? Ouais, franchement, ça va très bien. T'as vu, il est rasé de près, coiffé de près. Ouais, il s'est mis beau gosse. Mais ça compte tout. Juste pour les invités de ce soir. Genre, nous, on est pas. Sinon, je m'en fous. Décidément, c'est incroyable. Ouais. Parce que nous, tu sais, on est les invités du soir tout le temps, mais nous, ils sont pas des couilles. Surtout qu'en plus, l'invité de soir, c'est un mec. Voilà. il va te souiller, fais gaffe, hein, tu n'es ouais, pas prêt. Fais attention. Et oui, et puis nous avons également Eddy qui est là. Salut Eddy, comment ça va? Yo, ben ça super bien. Bon petit week-end tranquille toi? Tranquille, j'étais en Verse. Ouais, oh, bien. C'est grave lourd là-bas. Oh, oui, c'est différent. Ah ouais. C'est différent, mais c'est cool, c'est propre. Enfin, moi je sais pas, j'aime bien l'ambiance dans la ville en Verse. C'est Bruxelles, mais en plus. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est cool, c'est voilà, cool. On salue nos amis en Versois, bien sûr. Salut Bar de Bever. Bon, pourquoi? Ben parce que c'est lui, le mec qui a rendu Anvers beau. Ah bon? T'es sûr que c'est ça? Ouais, franchement, ouais, je trouve. D'accord, ok. On dit quand même beaucoup. Voilà. Bon, on connaît les choix, les goûts politiques de Nigel. Ouais, bravo. C'est wow. Parce qu'il me ressemblait physiquement, c'est juste pour ça. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux la case dédiée. Hein. La case dédiée. Voilà, hein, la case dédiée. Eh putain, on vient d'inventer un truc. La case dédiée. Bon, et puis on a également Thibaut qui est là. Ça va, Thibaut? Yo, là, Thibaut, ça va bien, super vite. Ça allait bien, du coup. Alors, Thibaut, t'avais quoi de beau ce week-end? Après, j'ai été au restaurant avec ma copine et après j'ai fait un petit match, c'est tout. Et t'as pas été au café? Ah si. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est ça que t'attendais en fait. Hein. Et j'ai vu une grosse photo cliché, il y avait quoi sur cette photo là? Ah, il y avait un jeu de cartes et une bière, c'était fait exprès du coup. Ouais, c'est ça, bien sûr. Le cliché quoi. Bon les amis, j'espère que vous ça se passe bien. Merci pour tous les messages là qui sont arrivés en m'envoyant. On reste une piste le casque. Non mais c'est bon, il est réparé là. Et toi ton week-end? Mon week-end c'est plutôt très très bien passé, j'ai pas dormi. Voilà. Ah ouais, sérieux? Pourquoi? Bah parce que je suis sorti, ça faisait très longtemps, je suis sorti en club mais pas en DJ. Quoi, vraiment, parce ah, que je suis sorti. Ah, c'est ma chère étante voulait sortir, elle m'a dit viens, on sort et tout. Je dis écoute, tu es un peu fatigué, tu vois. Elle prévient pas la street. Je deviens vieux. Elle prévient pas. Je te jure, c'est pourquoi. Parce que je me suis dit, c'est bon, je vais les 5 minutes et tout. Si je ramène toute la terre et tout, la famille, c'était samedi. C'était samedi soir. Mais samedi, on est en repos, laisse tomber. Déjà, et tu vois, mais je me suis dit, si je vous ramène avec, quoi qu'il arrive, ah, on part à 7h. Il va y avoir l'effet inverse, c'est que je vais rester jusqu'à 8h du matin. Je suis quand même resté jusqu'à 5h30, figurez-vous. Oh là là. Donc, je vous dis pas le malaise, mais c'était sympa, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand t'arrives le lendemain? Bah, t'as le petit qui était avec la babysitter qui se réveille super tôt. Genre, papa, j'ai faim, papa, j'ai soif, papa, j'ai besoin de toi. Papa, et ma copine qui me regarde en mode c'est ton tour. Et là, bah, et voilà. Et puis, t'enchaînes ça. Et le lendemain crevé. De soirée, c'est bon. Non, mais complètement. Bon. Ça m'a fait du bien de dormir. J'ai dormi, c'est la première fois que je dors aussi longtemps, je crois, dans la salle d'énergie. Là. Ouais, je crois que t'as dormi 4 heures aujourd'hui. Arrête tes couilles, j'ai pas dormi 4 heures. Non, c'est pas vrai. Non, mais là, l'antenne, il va jamais le dire. Hein. Non, je vais dire la vérité. J'ai dormi quoi, 1h30, 2h. 2h, facile. Pendant 2h, j'ai disparu. J'ai dormi 2 fois. Qui s'est passé? T'as dormi 2h30, 6h, facile. Je vous avoue que ça fait vachement du bien quand même. Bon, et puis tous vos messages là. Giuseppe qui est connecté ce soir. Il y a Letty aussi. Fais coucher tes. Ah oui, tu fais écouter à tes fans, pardon, ta superbe émission de Végéta là. C'est sur la page Facebook, les amis, puisque ce week-end à Manga Brussels, il y avait Végéta qui est là. D'ailleurs, attention, en parlant de ça, il y a Tolga qui est dans la maison. Salut Tolga. Salut. Le Tolga dans la maison. Il y a du monde ce soir. Ça va Tolga, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille mon pote. Ce soir avec toi, on va faire Manga Brussels, le quiz habituel. T'as eu la voix de Végéta qui est venue dimanche. C'était une super journée. Séance de dédicace, il est cool hein, le mec. Ouais, hein. Il est très très cool, on s'est bien amusé. Il adore. Ouais, à un moment donné, il y a une vidéo de moi dans un restaurant et il se met à gueuler, il fait son Végéta. Alors, il s'appelle Éric Legrand, le comédien. Il ne fait jamais de représentation entre guillemets. Quand on lui demande, vas-y, fais la voix de Végéta, il le fait pas. Il peut le faire ça. Sauf quand toi ça le saoule. Même pas, même quand moi je demande, ça, il veut pas. Mais on était partis dans un délire autour de cette table. Je crois que le vin rosé, à mon avis, a dû aider. Moi, c'est sûr. On se fait un délire. Après, je vous fais le sommaire de l'émission, les amis. On se fait un délire avec Éric Legrand, celui qui imite le mieux Végéta. Donc moi, je fais salut, c'est Végéta. C'est tout le monde, un petit peu tout le monde autour de la table. Et lui. Ah bah lui c'est Végéta que tu veux. Lui c'est Végéta donc lui non. Mais non. On l'a chauffé. Et bah il part en sucette le mec. Allez voir cette vidéo, c'est un live Facebook sur ma page VNZ sur Facebook, faut aller mater ça. Le mec est parti il est parti en transe. En guerrier transcendantal Super Saiyajin 2. Le mec, je te jure, j'ai l'impression qu'il a sniffé un truc. Il commence à dire mais non, Végéta, c'est un génial. Et il commence à gueuler dans le restaurant. Alors qu'il voulait pas le faire. Il voulait pas le faire. Et il commence à gueuler. Genre, je suis la prince des Saiyans. Ah ben voilà, tu l'as voulu, tu l'as eu. Et après, il fait attention, lamentable petit vermicien. Je te jure, matez cette vidéo. Elle est à mourir de rire. Le mec, il part en couille dans ce restaurant. Vous comprenez pas, il y a tout le monde qui se retourne, qui nous remate. C'est sur la page VNZ sur Facebook. Bref, ce soir, Manga Brussels au combat. Et puis, on a pas mal de conneries, pas mal de pranks. Étonné que ce soir, on a le. Ah, que je me trompe pas. Parce qu'attention. On a le prank de l'extrême ce soir. Voilà, je constate que la pauvre Letty n'est pas dans notre bonne liste. Prank de l'extrême ce soir, effectivement. Nous allons également parler du hack. Est-ce que vous avez déjà été hacké à un compte Facebook? À cause de quoi? Comment ça s'est passé? Et ce soir, les amis, nous allons également parler de quelque chose de très important. Votre internet peut très bientôt changer. Oui. Mon internet. Ton internet. Le mien aussi. Dans l'Union Européenne, oui, le tien aussi. Ça veut dire que l'internet va changer. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons, vous avez été tellement nombreux à demander qu'on parle de l'article 13. Eh bien, nous allons en parler. Et quoi de mieux qu'un expert, puisqu'il est directement lié à cela, à savoir Matt se fait des films qui est avec nous ce soir. Ouais, comment ça va, Matt? Mais ça va bien, merci. On merci va parler de me recevoir, c'est cool. Bah avec plaisir, on va parler avec toi dans quelques minutes, parler de choses très importantes, car oui, Internet peut changer. Eh ouais, c'est très sérieux là. Ouais, j'ai vu ta vidéo, sérieux. T'as fait une vidéo, tu fais partie des youtubeurs qui se sont expliqués dessus. Je crois qu'il y a eu Joueur du Grenier aussi, on a eu quelques-uns. Ouais. Et donc, du coup, bah, il y a cette histoire de droit à la parodie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Voilà, et il paraît que maintenant tu portes un petit t-shirt Dora et que tu passes dans une vidéo, et ben boum, tu sautes. C'est un peu ça, ouais. Voilà, donc on va en parler avec vous. T'as passé une bonne journée, un bon lundi? Très, très bien. J'adore. Et j'ai eu des messages de gens qui m'ont dit: mais Matt se fait des films et belge, je te jure. Ouais, vraiment, il y a des gens, ils pensent que je suis français. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un mystère. C'est ça. Peut-être qu'on n'a pas encore la culture des youtubeurs, hein, bien qu'avec le Fienzo et tout ça. Ouais, c'est possible. Mais on les compte sur les doigts d'une main. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. On va discuter de tout ça. Et attention, parce que des messages, on a des tonnes. Il y a Émilie qui est là. J'ai suivi le direct, c'était mort de rire. Talia aussi. Il y a Toine qui est connecté. Bisous à Alice qui est là aussi. Anatole, dédicace au Collège Saint-Julien de Hatte, signé Achille. Là, message bien reçu. Je fais un gros bisou à Chelsea aussi qui est connecté. Il y a Samir, il y a Alizé, il y a Clarinette aussi, Marine, Chloé, Mila et Anto. Et ben, merci les amis pour tous vos messages. Tout de suite, on se fait le son de Offenbach avec Benjamin Grosso. Ça s'appelle Paradise. Soyez bienvenus sur Energy. Gros programme ce soir. On est en live. Vince dans la maison. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des notes vocales. Allez, soyez les bienvenus sur Energy. J'espère que tout le monde va bien, tranquillou. La Vince est dans la maison. Il y a du monde ce soir autour de ces tables, puisque nous avons Tolga qui représente Manga Brussels. Ça va, Tolga? Tu vas bien? Super, super. Eh ben, formidable. Tolga, toi, t'as passé un bon petit week-end. Ça, on sait, puisque voilà, la Voix de Vegeta, comme on l'avait déjà dit, était chez toi ce dimanche. Un gars très gentil, il faut le préciser quand même. C'est vrai, on a passé un super moment, une super soirée avec toi aussi. C'est émouvant avec lui, hein, quand même. Ouais, il peut être émouvant, le gars. C'est hein. ça, c'est ça. Voilà, non, parce que Vegeta, vous croit pas croire. On se dit Prince des Saiyans, l'interprète, le mec qui interprète le truc, le comédien doit être un peu chelou, mais non, non, il était émouvant. Et justement, ce soir, est-ce que t'offres pas des figurines qui ont été dédicacées par j'adore sa tête. Il y a pas quand pensé. Je le mets mal. Non, mais moi, il m'en reste une qu'il a fait pour moi. Je peux l'offrir à un auditeur, c'est pas un problème. Hein. Ça va, on fait ça. Voilà. Non. Ça se fait pas d'offrir les cadeaux. C'est vrai, bah, c'est ce qu'il a fait. Un jour, il m'a offert une boule de cristal, Eric Legrand, la voix de Vegeta, en me disant je savais pas ce que j'allais en faire, c'était un cadeau de quelqu'un, je t'ai donné à toi. C'est une blague. Ah, non, je te jure, c'est le mec, il est ouf, quoi. Non, mais surtout, comment tu veux offrir le truc à un auditeur alors qu'il écrit pour Vince? Bah, ouais, je t'avoue qu'il a mis ça sur le plastique, et le plastique, tu. Voilà, j'ai fait de frotter un peu. Hein. Donc, tu mets deux Vince. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on peut laisser Vince, c'est l'offrir à un auditeur, c'est pas un souci. Une belle figurine de Vegeta. Bref, les amis, le quiz manga ce soir. Alors, comme vous savez très bien, lundi, c'est un peu toujours le jour, on a des petites galères avec notre standard. Mon standard ne fonctionne pas. Moi, j'ai, si tu veux. Il fonctionne ton standard. Ouais. Formidable. Parce que le mien, malheureusement. Ah, si, c'est un miracle, il vient de fonctionner maintenant. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tout ce que je touche déconne. Bon, j'ai le plaisir d'accueillir des auditeurs dont j'ignore le nom, parce qu'en fait le nom s'affiche pas. Le premier auditeur, c'est Corvin. Salut Corvin. Corvin. Hello, salut tout le monde. Yo, Corvin est dans la maison. Attends, j'ai comme un doute. C'est Corvin ou Corvin? Allô? Allô? Allô? Oui, ton prénom, ça se prononce comment? Mon prénom? Oui, bah oui. Attends, mais le mec a deux... Non, mais écoute ton téléphone, le de la radio. C'est ton pseudo, j'en sais rien, mais dis-moi. C'est parce que j'avais les écouteurs, Oh, mais quel renom. Ça commence bien. C'est lundi, lundi, c'est toujours comme ça, là, c'est ouf. Putain, je me demande comment ça se passe dans le 6 lundi avec les 8. Alors, bon, c'est Corvin ou Corvin? Corvin, K-O-R-V-I-N. C'est quoi comme origine? C'est belge, c'est ma mère, elle voulait un prénom original et elle a trouvé. Eh ben c'est très original, bravo. Exactement. Et Corvin ce soir va affronter. Il faut couper la radio, les gars, on va pas y arriver, putain. Ah, c'est ouf. On affronte... Il affronte qui ce soir? Jawad. Jawad, salut Jawad. Yo, la famille, ça va? Yo, ça va et toi, Jawad? La vie est belle ou quoi? Tranquille, comment? Est-ce que la vie est belle? Tranquille, hein, ça se passe. Hein. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le standard qui déconne aussi, on ne nous entend pas. Je sais pas. C'est un peu flippant parce que pour un quiz où on doit vraiment entendre clairement votre réponse. Bon, les amis, je vous rappelle le principe du quiz manga de Manga Brussels. On va vous poser des questions de culture manga. Et si jamais vous trouvez un maximum de bonnes réponses entre vous deux, et ben c'est celui qui a trouvé le maximum de bonnes réponses qui gagne. Il faut répondre à tour de rôle, bien sûr. Et vous pouvez jouer avec nous sur WhatsApp. Hein. Il suffit d'envoyer un maximum de bonnes réponses le plus rapidement possible à chaque fois. J'espère que tout le monde est prêt. Attention, on va commencer avec Corvin. Corvin, you ready? Yes, je suis là. C'est parti. Comment s'appelle la femme de Goku? Ah, Bulma. Ah bah non, Bulma est une mauvaise réponse, c'est Chichi. Ah bah merde alors. Ouais, c'est con parce que c'est pas une question de rapidité. Mais oui. T'aurais dû attendre le choix multiple. Ouais, de ouf. J'allais faire des J'allais faire des propositions, moi en plus. Oh là là, il y avait Bulma, Chichi, Videl, bah c'était et Chichi. Et Corvin. Voilà. Bon. Je pensais que j'avais bon. Hein. C'est pas grave. Attention, Jawad, t'es prêt? Ouais. On y va. Qui était le frère de Goku? Ah non, coupe ta radio! C'est Corvin, coupe ta radio, Corvin! Non? Mais si! Non! Dis-le qui me dit non! Et c'est ouf ça! Bon, excuse-moi, donc Jawad, qui a le temps d'aller voir sur Google. Qui était le frère de Goku? Vegeta n'a pas ou Raditz? Raditz, c'est une bonne réponse! Oh bon. On va récupérer notre Corvin. Qu'est-ce qui se passe? On l'a plus à l'antenne là. Non, en fait, on règle juste les petites modalités là, tu vois, pour pas qu'il y ait de bien de la bug. Pression hors antenne. Voilà. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, quand on est en antenne, ça se passe comme ça. Genre, c'est bon, il est là. Écoute bien, espèce de connard. Maintenant, tu as intérêt. Absolument. Ça s'est fait en douceur, j'espère, au standard. Hein. Allô, Corvin? Ouais, je suis là. Ne monte pas le volume de ta radio, mon pote. Oh non, mais. Diminue le volume de ton téléphone alors. Ouais. Ah, c'est peut-être mon téléphone, attends, je diminue parce que. Non, je crois que t'es sourd radio, en fait. Je l'ai pas allumé, hein. Ouais, parce qu'on s'entend toujours en boucle. Là, c'est bon, voilà, parfait. Corvin, on revient à toi. Comment s'appelle le petit robot dans Star Wars? Tu as le choix entre R2D2, Starbot et Bot 23. R2D2. C'est une bonne réponse! Ouais, même voilà. Si tu n'as jamais vu, ils connaissent. C'est une bonne réponse. Attention. Bravo. Attention, on revient à Jawad. N'oubliez pas, soyez au taquet sur le WhatsApp, les amis, 0492 222 002. Jawad, on y va. Comment s'appelle l'auteur de One Piece? Tu as le. Comment s'appelle l'auteur de One Piece? Ah, lui aussi, il écoute trop fort. Non, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous jonglez avec votre téléphone, là. Donc, tu as le choix entre Masashi Kishimoto, Eiichiro Oda ou Akira Toriyama? Eiichiro Oda. Il a pas googlé ça, j'espère. Ouais. Bonne réponse, bonne réponse. Ça, c'est bizarre, ça. J'ai l'impression qu'il a googlé. À chaque fois que je lui pose la question, je dis, oh, putain, il faut vite que je t'actylographie. Ouais, c'est clair. Tu sors avec tout le gars. C'est pas grave, bénéfice du doute. Non, bénéfice du doute, t'inquiète. Alors, c'est parti. Retour à Corvin. Quel est le manga le plus vieux entre Naruto, One Piece et Dragon Ball? Corvin, 3. Ouais, je suis là. 2. Quel est le manga le plus vieux entre Naruto, One Piece et Dragon Ball? 3. Dragon Ball. 1. Bon, ouais, Dragon Ball est une bonne réponse. Mais il a mis trop de temps à répondre. Mais j'ai l'impression que les mecs sont genre, oui, je suis là. Oui, t'inquiète pas, laisse-moi du temps. Bah, c'est pas grave. En plus, il se marre. On va voir comment ça va se passer maintenant. Jawad. Oui. Et c'est la rapidité là. J'ai besoin d'une réponse directement. Qui incarne la voix de Vegeta? A. Éric Legrand. B. Patrick Legrand. C. Brigitte Legrand. Le premier, Éric Legrand. C'est une bonne réponse. Bravo. Voilà. Il y a de la chance qu'on vient de le dire. Attention. Comment s'appelle l'équipage de Luffy? Ça, c'est question pour Corvin. Ce n'est pas Enzo. Les Ubiwagara, les Mugiwara ou le Luffy Squad? Les Mugiwara, le deuxième. Bonne réponse. Bravo. Lui, on dirait trop, il est sur son PC. On dirait qu'il casse des trucs si dans sa chambre. Ouais, vraiment. Tu sais, il donne des kicks en même temps, le mec. C'est un mercenaire, on sait pas. Jawad, quelle est la dernière transformation de Luffy? Oula. De Luffy Paris. Tiens, non, mais vous avez des... Ça, comment, là, Manga Brussels? C'est pas moi. Je suis désolé, t'es le patron, toi, qui dois gérer ça. Quelle est la dernière transformation de Luffy Paris celle-ci? J'ai pas compris. Parmi celle-ci. Ah, parmi celle-ci. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Je me suis dit Paris, il a pas un Paris. Bon, quelle est la dernière transformation de Luffy? C'est Gear Second, Snake Man ou Gear 4? Gear 4. C'est Snake Man. Et ouais. Moi aussi, je croyais que c'est Gear 4. Figure-toi, j'ai appris un truc. Donc voilà. Attention, on revient à égalité, les amis. On revient à égalité, on se reconcentre. Corvin. Yes. Quel est le premier Pokémon du Pokédex? Tu as le choix entre Bulbizarre, Carapuce, Équipe et Pikachu. Pardon, je vais arriver. Et je bug. Hein. Quel est le premier Pokémon du Pokédex? Bulbizarre, Carapuce, Pikachu. Pikachu est une mauvaise réponse, c'est Bulbizarre. Ouais. Bulbizarre. Attention, Jawad peut reprendre l'avantage. Pour l'instant, c'est 3-3. Attention, Jawad. Et c'est la dernière question, mesdames et messieurs. C'est la dernière. The last question. Quel est le meilleur magasin de manga? Manga Antoine. Attends. Moi, ce qui me fait rigoler dans ce genre de moment, c'est qu'il répond pas. Jawad, quel est le meilleur magasin de manga? Manga Brussels, hein. C'est une bonne réponse. Oh, yeah. Ah, putain. Il a tapé son Google. Je m'attendais à ce qu'ils disent. C'est ce que je m'attendais à ce qu'ils disent Amazon, tu vois, sur ma truc. Mais non, pas du tout. L'eau très loin de là. Bravo, Jawad, c'est gagné, mon pote. On va prendre en antenne et tu vas partir avec une figurine tout droit venue de chez Manga Brussels. Ça va? Merci, la famille. Merci. Avec plaisir, mon pote. Avec allez, plaisir. Au revoir. Figurine collector. Bonne soirée, Jawad. Ciao, ciao. Bon, Corvin sera pour une prochaine fois, mon pote. Hein. Désolé. Ouais, salut. Voilà, pas de soucis, à la prochaine. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, les amis. Voici Camila Cabello avec Consequences. Et bravo à ceux qui ont répondu à mort là sur le WhatsApp. On check ça tout de suite. Bienvenue. Dirty tissues, trust issues. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed. Little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you But loving you had consequences. No. Petit big up à Thibaut du Standard, juste pour lui dire que là je suis en train de boire une bonne triple carmélite bien fraîche à la Bourse à Nivelles. Ouais, santé, bro. Dès que les gens sont dans les cafés, ils pensent à Thibaut, c'est énorme. Énergie le soir. Yeah! Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Et Vince, on est là! Plaisir, j'espère que vous allez bien tout le monde là. Bisous à Antoine qui est connecté, à tous les nouveaux, il y a plein de nouveaux ce soir là. Vince, moi je commence mes examens jeudi. Je vous écoute sans que mes parents le sachent. Est-ce que, parce que je peux pas avoir mon tel avec moi, donc je vous dis bonne nuit et restez comme vous êtes, bise. Ah, il y a quelqu'un qui nous écoute mais qui doit rendre le téléphone. Courage, ouais. 0492 222 002 les amis. Sab qui nous dit, Vince, à quand le retour du poteau Dom Dom? Bah, c'est une bonne question en fait, hein. On essaie de l'appeler de temps à autre comme ça, on veut pas non plus trop se faire griller, et parfois il décroche, parfois il décroche pas, donc ça dépend vraiment des fois. Et en tout cas, merci vraiment pour tous vos messages. Je sais pas ce qui se passe ce soir, je crois que c'est lundi. Il y a le matériel qui se m'a déconné, par exemple la roulette de mon WhatsApp, je peux plus rouler, sérieux, scroller les messages. Ah, la souris, elle est morte. La souris, enfin, je peux lire que, je peux cliquer, mais je peux pas scroller, donc du coup, je peux voir que les messages qui arrivent en tête, quoi. Ah, mince. Notamment Julien, ah, ça fait plaisir de vous entendre. Merci, c'est gentil, Julien. Et puis, ouais, non, c'est tout, tu sais, je peux pas regarder plus loin, en tout cas. On va essayer de faire au mieux, les amis, en tout cas, ce soir, sachez-le. Quelqu'un qui me demande, Vin, c'était trop bien d'avoir rencontré Eric Legrand, j'y étais. Je t'ai pas vu, malheureusement, et j'ai rencontré Tolga. Ouais, d'ailleurs, Tolga, il paraît que c'est devenu une star, Tolga, là. Hein? Sérieux? Ah ouais. Tolga, il paraît que t'es devenu une star, toi, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous caches des choses. Ben, il y a des jeunes qui viennent. Enfin, un jeune qui vient au magasin, qui demande après moi, quoi. Il demande après toi, mais genre quoi? Il dit Tolga d'énergie, quoi. Putain, ça y est, Tolga d'énergie, mais c'est un truc de ouf, quand même. Comment il fait la star? Il dit Tolga d'énergie, quoi. Ouais, c'est ça. T'as le jour, t'imagines, on dit Nigel, Lara et Vince de Manga Brussels. Ce serait ouf, quand même. Bon, reste bien avec nous. Les amis, nous avons avec nous ce soir dans cette émission un plaisir de recevoir Matt. Matt se fait des films sur YouTube. Un million d'abonnés, un truc dans le genre là. Bientôt 954 000. Wow. Si tout va bien. Waouh. Bah oui, si tout va bien. Si l'article 13 ne fait pas de malheur. C'est ça. On en parle avec toi dans quelques instants. Yes. T'as vu, on prend le temps dans cette émission, on s'installe et tout, on fait les choses à notre aise. C'est parfait. J'adore. Eh ben, formidable. Je valide. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça que ça se passe. Il a validé. Hein. Il va parler du souillage aussi. La race, tu sais, c'est quoi le souillage? Bah, a priori, oui. Ouais. Bah écoute, tu vas le connaître. Mais ce mot n'existe pas, je crois. Mais. Ah bon? Ce mot existe. Souillage peut-être pas, mais souiller, voilà. Souiller, il existe. Mais souillage, c'est vrai qu'il existe. Ouais, bah, on a inventé le souillage. C'est bon, voilà. Ça. D'une certaine manière, on expliquera tout. Ce gars-là souille des gens, on est d'accord? Oui, mais à chaque fois que tu mates ces vidéos, nous sommes tous souillés, bien sûr. Enfin, on en parle après, on va parler de cet article 13. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir savoir de quoi il en retourne, donc on va se faire ça dans quelques instants. Et les amis, vous savez que dans cette radio, on vous offre plein de cadeaux. Et très bientôt, Energy Live Session de Relsan, il sera avec nous. Vous pouvez faire du bruit, les amis, c'est tellement énorme. On sait que Manga Brussels, il est pote avec Orelsan, puisqu'il va dans ton magasin s'acheter des trucs. Hein. Ah oui, il est déjà venu. Ouais. Orelsan, en personne, c'est incroyable. T'as vu, il décide d'aller là-bas. C'est incroyable. Je me demande, mais qui guide ces gens à aller tout le temps dans ce magasin? Ouais, c'est dingue. Hein. Je crois que c'est un certain Vince. Bah, non, c'est Google Maps. Attends, du coup, t'as cru quoi? Et donc, du coup, Orelsan, les amis, il sera présent dans nos studios. Ça va être le mardi 11 décembre. Et on vous offre des invitations pour un showcase ultra privé qui va se passer dans nos studios d'énergie. Comment faire, tout simplement? Il faut s'inscrire pour la phrase énergie qui est j'écoute le 6-9 sur énergie chaque matin. Si on vous appelle et que vous balancez cette phrase, les amis, c'est gagné. Pour vous inscrire, l'appli énergie Belgique ou alors sur énergie.be. Allez-y, profitez-en parce que ce soir nous allons appeler quelqu'un.

fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Et hey, soyez les bienvenus. Effectivement, on est là, les amis, 21h36. Vince de la... Et c'est ça, même nous allons parler article 13, parce que oui, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui... Voilà, qui sont en train de réagir. Quelqu'un me dit, Vince, l'article 13 me fout vachement les boules. C'est cool que tu en parles. Merci d'en parler. Salut Vince, je dois faire une thèse à l'école. Sérieux, dans une conférence, tu veux dire? Parce que quand je vois ta tête, on dirait que t'as 12 ans. Dans une thèse, t'imagines le mot thèse. Une thèse. Non, mais certainement une conférence, et ben, y a pas de problème. Prends bien tes notes, puisque là, maintenant, nous allons en parler avec Matt, se fait des films qui est avec nous. Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Sur Énergie. Alors, Matt, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as 29 ans, je pense. Exact. Arrête pile poil dessus. Pile poil. C'est bon ça. Tu fais des vidéos sur YouTube depuis pas mal d'années. C'est à combien de temps que t'as commencé là? Ça fait 4-5 ans là maintenant. 4-5 ans que tu, entre guillemets, fais des parodies de films. C'est ça. Tu fais des analyses de films en fait. C'est une sorte d'analyse de films, mais sauf que tu le rechanges un petit peu à ta sauce avec tes différents personnages. C'est ça, ouais. Et ça marche bien. De sketch, etc. Donc, ouais, une parodie de film, c'est bien résumé. Et tu te fais plaisir en fait. On se fait plaisir. En fait, je prends la place de monsieur et madame tout le monde, tu vois, qui regarde un film. Ouais. Et puis, quand il y a des trucs qui vont pas, bah, t'imagines un petit sketch, et puis t'en fais une vidéo, et puis tu passes des moments de film que t'alternes avec des sketchs, et voilà. Et mesdames et messieurs, il a bientôt 1 million d'abonnés, il est bruxellois, ça s'applaudit quand même. Merci. Représente notre Belgique sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et c'est cool. Et là, bah, par contre, on en parle. Il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui en ont parlé, on n'a pas compris. Ouais. Et tu fais partie des personnes, alors déjà, on renverra les gens vers ta vidéo parce que tu as fait partie des gens qui ont été les plus explicites. Mais explique-nous, cet article 13, c'est quoi de base? C'est cette histoire de loi européenne. Alors, moi, c'est un sujet très très sérieux, hein, et c'est très compliqué parce que c'est encore très flou. Mmh. Mais en fait, l'article 13, ça fait partie d'une directive européenne qui vise en fait à protéger les ayants droit sur Internet, en fait. D'accord. Ouais. Donc tout ce qui est Sony, Universal, n'importe qui a des œuvres protégées, tu vois, c'est faire en sorte que tout ce qui est illégal sur Internet soit en fait légiféré et contrôlé un peu plus, parce que là, c'est un peu la foire sur Internet. Mmh. On fait un peu ce qu'on veut, plus ou moins, tu vois. Et sur YouTube, bon, il y a beaucoup de collègues qui ont déjà eu des notifications, c'est-à-dire des réclamations, en fait. Donc par exemple, moi, j'en ai déjà eu. J'avais fait, je crois, Lucie, Matt se fait Lucie à l'époque. Et j'avais eu Europacorp qui avait bloqué ma vidéo parce que je passais des extraits de vidéo du film dans ma vidéo, en fait. Et comme c'est un contenu qui leur appartient... Oui, c'est de la synchronisation, mais sans autorisation. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que ce que je fais, normalement, ça rentre dans un droit à la parodie, en fait. Mm-hmm. Et dès que tu crées quelque chose qui se différencie de l'œuvre originale, normalement, t'es considéré comme une exception à la parodie, en fait. Mais même cette loi-là, elle est très floue. Mais donc, c'est une loi belge ou une loi européenne, ça? C'est une loi coup européenne, ouais. Ok, du droit à la parodie. Tu pourrais faire une parodie, par exemple, sans passer des images du film. C'est-à-dire que là, tu utilises un support qui est copyrighté. Ouais, tout à fait, je pourrais le faire, mais disons que c'est moins parlant, évidemment, tu vois. Oui. Surtout quand tu regardes la vidéo, le concept actuel, t'as quand même du mal à te l'imaginer sans les extraits de films, tu vois. Surtout que parfois, c'est un bête truc, mais juste dans la manière de jouer le personnage, si je reprends l'extrait et que tu vois pas l'image avant, ça a pas son impact. Ouais, c'est ce que la télé a toujours fait. Bon, c'est vrai qu'il paye, il paye pour, les droits pour mais pas des droits de ouf. Ça dépend, la télévision, ça dépend la chaîne, ça dépend l'audience, ça dépend de plein de facteurs. Mais donc pourquoi ce serait logique pour la télé et pas pour YouTube? Parce que la télé, ils ont tout un rang de publicité qui leur permet de gagner 10 fois plus qu'un youtubeur, si pas 100 fois mais plus. Non, YouTube. Oui. YouTube, il gagne quand même de l'argent avec ses annonceurs. Bien sûr, mais je veux dire, le créateur, toi, t'es créateur du truc. Ouais. C'est pas comme si tu gagnais autant qu'une chaîne télé sur ta diffusion, quoi. Mais oui, c'est sûr. Surtout que là, Internet, c'est un délire où c'est les créateurs qui portent la plateforme, tu vois. Donc, bien sûr, ouais. Plus de YouTubeurs, il n'y a plus de YouTube, en fait. Et en fait, nous, on est en faveur de YouTube et les créateurs, on est en faveur du but de l'article 13. Mais en fait, ce qui pose vraiment problème dans cet article, c'est qu'il manque de souplesse, en fait. C'est-à-dire que bêtement, si toi, tu fais une vidéo, typiquement, si tu passes un extrait ou si pendant 3 secondes, parce que tu veux illustrer une vanne et que, en fait, cette vanne, elle passe super bien avec une chanson de merde de Diams. Ouais, ouais. Eh ben, toi, tu vas te dire, je vais la mettre, ça passe crème, tu vois. Et puis, ça fait partie de la pop culture, on comprend tous les références. C'est ça. Et là, en fait, clairement, tu peux te faire niquer complètement ta vidéo, en fait. Donc, même si tu fais 3 secondes sur une vidéo d'une demi-heure, la boîte qui gère et qui possède les droits sur l'album de Diams, non seulement ils peuvent bloquer ta vidéo, mais en plus, s'ils veulent, ils peuvent la laisser visible et prendre toute la rémunération qui est générée. Donc tout ton travail. Voilà, c'est du vol, ça. C'est du racket, on va pas c'est se mentir. C'est du racket, ouais, complètement. Voilà. Ah, mais c'est dingue. Donc... Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Attention, parce que Lara, c'est mademoiselle ayant droit, c'est madame Sassé, madame Sabam, faut le préciser. Disons que, je sais pas, imaginons dans la musique, tu composes une chanson et au milieu de ta chanson, c'est le cas d'une chanson d'ailleurs qui passe sur Énergie, tu as, je sais pas, un moment donné où tu reprends un bout de, je sais pas moi, d'une chanson de Bob Marley ou n'importe. Ouais. Eh bien, normalement, ce qui se passe naturellement si tu ne demandes pas les droits ou quoi que ce soit, si tu ne payes pas, c'est Bob Marley, enfin, c'est les ayants droit de Bob Marley qui vont prendre les droits de toute ta chanson. D'accord, mais c'est là, comme ça. Là c'est on parle loi. D'une petite utilisation, alors pourquoi est-ce qu'on ne divise pas une petite utilisation, non. Oui, non, mais regarde, dans le cas de Matt qui prendrait une chanson, admettons, de Bob Marley, il a envie de faire un délire, il parle du film Rasta Rocket, et pour faire dans le cliché, il prend Bob Marley de Dadju, qui est un son actuel, il le passe pendant 3 secondes. C'est pourquoi ça. Est-ce que, du coup, l'ayant droit prendrait le 100% des revenus de sa vidéo? C'est pas juste, c'est ça. Pour 3 secondes. Ça, c'est du racket. Il n'y a pas de balance qui est respectée, en fait. Est-ce qu'ils ne sont pas en train, justement, d'essayer de codifier tout ça pour que celui qui va produire quelque chose sur YouTube... C'est bien compliqué. Normalement, toi, en tant que producteur d'une capsule, si tu veux passer Dadju dans ta capsule, normalement, tu dois contacter les éditeurs et payer quelque chose pour pouvoir passer Dadju. Pas si tu rentres dans l'exception de parodie, en fait. C'est cette fameuse loi européenne qui définit qu'en fait, si tu as un projet ou une vidéo qui, de par sa finalité, est différente de l'œuvre originale, tu rentres dans l'exception de parodie. Et c'est ça qui va pas, en fait. Ouais, mais tout le monde ne fait pas de parodie. Non, mais même prenons une cover, par exemple. Toi, tu te filmes en train de chanter, tu reprends la chanson, le beat, l'instrumental de Dja, par exemple. Oui. N'importe. Bah ça, tu peux te faire bloquer aussi, en fait. Est-ce que je comprends? Alors que pourtant, tu fais une parodie. Tu fais une cover. C'est non, mais tu peux faire ta parodie en jouant le truc à la guitare ou au piano, mais sans utiliser le master. Non. Ah si, parce que si tu rentres dans la même fréquence et dans le même le but, tu copies Dja, en fait. Non, c'est uniquement si tu utilises le master de Dja a priori. Quoi, un master? Attendez, mais vous êtes compliqué, vous êtes méga technique. C'est uniquement si tu utilises le morceau, c'est-à-dire si tu prends le MP3 et que tu chantes dessus, c'est-à-dire que comme quand tu Shazam un morceau, c'est le MP3 qui est reconnu. Si tu joues à la guitare le morceau de Dja et que tu mets Shazam, il n'entend pas que tu joues Dja. Mais prenons un exemple plus simple, parce que là c'est les covers, c'est encore discutable, mais je prends un bête exemple. Pourquoi les gens ils viennent regarder mes vidéos? C'est pas parce pour voir les extraits d'Harry Potter. Non, mais c'est pour voir les blagues. Donc à partir du moment où tu te fais démonétiser et bloquer ta vidéo parce que t'as montré des extraits de films pour illustrer tes propos et que toi derrière t'as pas ton travail qui est récompensé. Je crois qu'à long terme, c'est simplement pour que toi, comme tu as beaucoup de visibilité et que tu génères de l'argent. Mais je génère pas beaucoup d'argent. Mais tu génères quand même, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est pour les. Tu génères, mais c'est pas juste, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a une certaine injustice dans la mesure où déjà YouTube, ils rémunèrent pas de ouf leur argent. Alors, à partir du moment, c'est un boulot, je veux dire, c'est un boulot temps plein que tu fais. Bien sûr. Tu gagnes ta vie via ça. Oui, mais ceux qui ont fait la musique et qui ont fait le film, ils gagnent aussi leur vie. Je comprends, mais alors, du coup, il faut prendre, genre, hop, t'apparaît pour 3 secondes de la vidéo, eh ben on fait un calcul et on estime que ça représente 0,2%. Normalement, ça devrait être Mais là, c'est 100%. C'est mais là, c'est pas le cas. Et en plus, ce qui est plus dangereux, c'est que, bon, ça, c'est encore, je pense, encore différent, mais il y a eu un gros stress parce que, en fait, apparemment, le droit pourrait aller encore un step plus loin. C'est-à-dire que si moi, je me filme dans ma chambre et que derrière, j'ai un poster de GTA ou une figurine Mario. Ça, c'est chaud. Apparemment. Ça, c'est ouf, ça. Mais ça, je pense que c'est encore à dissocier. Mais apparemment, ce serait le même problème. C'est-à-dire que tu devrais, en fait, avoir un fond blanc derrière. Oh, ouais, et rien à voir. Tu aucune vois. Marque. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui rédigent actuellement la loi, l'article 13, en fait, c'est un bon point, mais c'est pas applicable, en fait. C'est difficile. En fait, c'est des gens qui connaissent pas Internet, on dirait. Exactement. Et en fait, ils obligent les plateformes, comme YouTube et comme Dailymotion et autres, à contrôler 100% des vidéos qui passent. Attention, parce que ça va même plus loin que YouTube et Dailymotion. Exact. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, moi, je sais pas ce que ça va changer à ma vie sur Instagram. C'est pareil, Facebook, tout. C'est-à-dire que ce n'est pas que les YouTubeurs comme on pourrait imaginer. C'est même vous dans votre quotidien. Est-ce que c'est possible, par exemple, que tu fasses une photo de toi, je sais pas, moi, t'es à Disneyland, tu fais une photo de toi, tu mets sur Facebook. Elle prend beaucoup de likes, etc., etc. Si ça ne plaît pas à Disney, à l'endroit qui dit, ouais, mais le mec, il est à poil ou il fait le con sur sa photo, on peut la faire sauter. Alors, tu vois. Alors ça, c'est normalement, de ce que j'ai compris, ça concerne d'abord tout ce qui a pour but commercial ou qui va être monétisé, tu vois. Mm-hmm. Genre moi, je fais une vidéo, il y a des pubs qui vont passer dessus, j'ai activé la monétisation, donc c'est à but commercial. Moi, je vais te concerner, mais toi, si bon, toi, c'est un mauvais exemple, mais prenons un lambda qui prend une photo qui est pas du tout connue à Disneyland, comme tu disais. S'il a envie de montrer son cul avec Mickey qui est juste derrière, bah, a priori, il a aucun souci, tu vois. D'accord. Ça marche que pour les gens dont c'est le métier. C'est ça. Voilà. Toutes les personnes qui utilisent une musique ou un truc dans le genre, ou en tout cas qui utilisent un contenu qui appartient à une marque en quelque sorte, quoi. J'imagine le nombre, et j'en connais, hein, des petits gars qui sont dans leur chambre, ils font 15 000 vues, ce qui est énorme pour un gars qui a commencé à faire du gaming live, mais j'en connais plein en Belgique qui font des jeux vidéo online. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Mais ça, c'est mort, en fait. Ouais, en fait, Nintendo a déjà réagi, par exemple, par rapport à ça. Ah oui. Et là, bon, Nintendo, il a accepté, il a déjà dit, écoutez, nous, il n'y a pas de souci. Il y a juste 2-3 trucs à respecter, mais ce n'est pas des trucs exagérés, quoi. D'accord. C'est des trucs, ok, on est d'accord, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que ça va être comme ça à long terme, mais bon, il y a peut-être des plateformes, des éditeurs de jeux qui vont dire, en fait, nous, on n'a pas envie d'être représentés sur YouTube par des gens, on ne sait pas, tu vois. Donc ça peut tendre un peu le YouTube gaming, on va dire, sur YouTube. On va encore approfondir ça, essayer de comprendre davantage. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. On a Alice qui va parler avec nous en standard. Elle est déjà là, Alice, depuis un petit moment dans le standard. Salut Alice. Salut. Yo, Alice est dans la maison. Alice, on parle avec toi dans quelques instants, ça va? Je pense que tu es abonné à la chaîne de Matt se fait des films, on est d'accord? Oui, c'est beau. Oh là là. Merci, Di. Eh ben, tu sais quoi, on approfondit ça juste avec toi dans quelques instants. Avant ça, MHD avec Akelenta. J'espère que tout le monde va bien, les amis. On est en direct. Et il y a plein de questions qui arrivent là sur le WhatsApp. On va checker ça tout de suite. Let's go. C'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pas rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir, c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La noce fait démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est ta dulcinée, à quel endroit. Hey, ce soir c'est ton jour, la danse va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer, ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Tous et bienvenue sur Énergie. Wow, 21h50, on est en direct les amis. Et n'oubliez pas le numéro WhatsApp. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Diego est dans la maison sur Énergie. Tarek est dans la maison. Jocelyne est dans la maison. 04 92 222 002. 04 92 222 002. Bienvenue sur Énergie, Vince est dans la maison. Et pas tout seul puisqu'il y a également Matt qui est dans la maison. Bonsoir. Matt le souillon. Comment Matt ça le souillon. Le pro du souillage. Matt, pour ceux qui ne le connaissent pas, bientôt 1 million d'abonnés sur YouTube. Il est belge, il fait des vidéos. Allez les mater d'ailleurs, c'est exceptionnel. Toy Story, tout ça. Des, peu, des reviews de, à sa façon, à sa manière, avec des sketchs. Bien écrit d'ailleurs. Ça prend combien de temps pour faire une vidéo? Écoute, en heures, ça doit être une trentaine d'heures, un truc comme ça. Quand même, quand ouais, même. Ça prend du temps. C'est hein, une semaine rien. De travail, en fait. Ça se levant 8 heures par, travaillant 8 heures par jour. Exactement. L'écriture, la mise en place des blagues, tout ça. Le tournage, le montage. C'est le montage qui prend pas mal de temps, d'ailleurs. Ah, j'imagine. Ouais. J'imagine c'est quand... mieux, hein. Quand, quand le montage prend plus de temps. Ah bon, c'est agréable de revoir tout. C'est déjà arrivé, genre, de te dire, ah merde, toute ma vidéo, elle est pas drôle, faut que je la retourne. Et tu repasses en tournage. Moi, j'ai ça, en fait. Après chaque vidéo, je me dis, c'est. Enfin, est-ce que c'est vraiment drôle, tu vois? Je l'ai vu tellement de fois, les rushs et tout. Ouais, c'est ça. Et donc, pas évident. Je rigole plus après. Bah oui, c'est ça. Ouais. Je passe à quelques potes et puis je me rassure comme ça, quoi. C'est quoi le terme souillon? Ça vient d'où de base? C'est pas une histoire avec un paillasson, je sais pas très bien, là. C'est pas. En fait, oui, si. J'étais parti avec deux potes en Thaïlande, je crois. Ouais. Et on avait loué une chambre. Je crois qu'on était trois, mais il y avait qu'un grand lit pour deux personnes, tu vois. On connaît ce genre de problématique. Et puis il y avait un petit paillasson bien merdique au pied du lit, mais c'était à base de coussins, tu vois. Tu savais que ça allait pas être confortable. Et on a tiré au sort et c'est mon pote qui est tombé dessus. Et du coup, bah, c'était le souillon du séjour. C'est parti comme ça. Et c'est resté, c'est merveilleux ça. Et donc du coup, tu es venu pour parler de l'article 13. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, on demande par rapport à l'article 13. Donc pour répéter rapidement, c'est un projet de loi qui est déjà écrit, qui est déjà voté. C'est ça que je voulais savoir, c'est à quel stade? Voilà, il est, il est voté, il n'est pas écrit, c'est ça. Par qui? Par l'Europe? C'est quand même particulier, oui. Par l'Union Européenne. Par Bruxelles, hein. Ah ouais. Par chez nous. Voilà, par la Commission Européenne, effectivement. Okay. Ou le Parlement. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà voté, mais étrangement, ça n'a pas été écrit. Donc, ils se sont dit, bon, les gars, on va remettre de l'ordre un peu dans ce bordel, on est d'accord? Oui, très bien. Bon, qui va l'écrire? Flemme. Ah, on sent qu'il y a peut-être eu des petites pressions, des gros groupes quand même, hein, derrière ça. Bah, un peu tout le monde, oui. Ouais, en fait, ils veulent l'écrire en janvier normalement. Voilà. Ah oui, donc il s'est déjà voté, mais exactement. Ils écriront. Donc ça peut changer beaucoup de choses. Alors il y a bien des gens qui nous écoutent, qui sont justement, il y a Anaïs qui m'envoie Team Souillage. J'adore parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, un jeune YouTuber là qui s'appelle Balibalo là, qui me dit voilà Vince, je commence à peine sur YouTube et tout ça. Je suis actuellement à 13 abonnés, j'en vis 50, voilà, par respect à toi. Et il me demande est-ce qu'on a le droit d'utiliser les bruitages du coup. Bah les bruitages, normalement, essaye de. Moi, j'ai toujours fait ça, mais c'est chaud. Il faut que tu essayes d'en trouver des qui sont libres de droit, en fait. Mais il y a beaucoup de bruitages qui sont pas forcément libres de droit. Oui, comme le Willem Scream. Voilà. Le William Scream, il est libre de droit ou pas, finalement? Je ne sais pas, justement. Donc il y a ça. Et alors, ça, par exemple, c'est pas libre de droit. Je l'écris, je l'envoie à la Sabam à chaque fois. Non, arrête. Mais vous voulez que j'ai des problèmes ou quoi? Ça, par exemple. Je l'ai acheté, mais ce n'est pas libre de droit, figurez-vous. Non, mais si tu l'as acheté, t'as voilà. acheté la licence et d'ailleurs, est-ce que ça... Peggy 18. Est-ce que c'est libre de droit? Non. Non, c'est pas libre de droit. Bonne question. Mais ça ne l'est pas, puisque ça appartient... Mais non, mais du coup, c'est Énergie qui paye, c'est bon. Voilà, donc du coup, je m'en fous, tu vois. Par exemple, ça... Mon nom, c'est Lara, toi-même, tu sais... À chaque diffusion, c'est pour Lara, l'argent. Oui, donc, tout à fait, tout à fait, c'est pour moi. Voilà, donc tout ça, ce n'est pas libre de droit. Ça non plus, c'est pas libre de droit. Oh non. Voilà, bon, l'avantage, on est une radio, c'est vrai qu'on paye un forfait, etc., etc. Ouais. Donc, on est dans un cadre un petit peu différent. Maintenant, Matt, dans les questions comment avancer, on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe si le projet de loi passe tel quel? Qu'adviendra-t-il alors, du coup, de toi, par exemple? Ben, oula, en fait, ce qui se passe, Seul Dieu le sait. C'est une phrase qui fait mal quand même. Qu'adviendra-t-il de toi? Est-ce que tu vas disparaître des internets? Des internets. Non, en vrai ce que YouTube a déclaré, c'est qu'en fait, comme l'article, il force YouTube à bloquer, à assumer en fait tout ce qui passe dans les vidéos qui sont mais il y a 400 heures de contenu par minute, hein, sur YouTube, c'est improbable, c'est incontrôlable en fait. Et comme ils sont responsables à 100%, ils ont dit en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer toutes les vidéos. Mise en ligne en fait. Ah, tout. Mais oui, parce qu'en fait, ils sont responsables de théoriquement tout ce qu'il y a dans la vidéo. Mais c'est impossible en fait. C'est impraticable. Non, en fait. Mais ce qui va se passer concrètement, ça c'est la menace, on va dire, de YouTube, mais qui est une gentille menace, c'est juste pour dire en fait c'est improbable, on va tout bloquer quoi. Mais ce qui va se passer, c'est que si la pétition qui maintenant est à 4 millions pour assouplir cet article-là, elle va pas, si jamais elle n'est pas suffisante, YouTube va, je pense, passer des accords avec des grosses sociétés d'ayant droit, en relation justement avec les grosses boîtes qui sont derrière cet article, qui sont en fait des boîtes comme Sony ou Universal ou des grosses boîtes qui veulent en fait récupérer ce qui leur appartient sur Internet de manière illégale, ce qui passe de manière illégale sur Internet. Et donc je pense que YouTube va simplement devoir douiller un peu plus ce qui reste à assouplir en fait, mais en vérité, ils vont jamais se séparer. Est-ce que tu penses que c'est les gens comme toi qui font des vidéos qui vont encore moins gagner? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, cet article, il protège les ayants droit, mais moi, je suis un ayant droit aussi en fait. Bien sûr, tu crées un contenu, bien sûr. Je crée un contenu, donc typiquement, c'est censé avoir une meilleure répartition des revenus, même entre YouTube et nous, par exemple. Tu vois? Ok. Oui, parce que finalement, c'est un peu un flou, hein. Ouais. Tout ça, c'est hyper flou. Moi, donc c'est l'occasion finalement de codifier tout ça. C'est super. Moi, je pense pas que le truc un peu de hyper drastique va passer. Comme t'as dit, ils sont d'accord de voter une loi, ils l'ont votée hypothétiquement, mais elle est pas encore écrite, donc ils vont pas. C'est pas des ignares non plus. Bah, c'est des gens je crois que les gens qui votent, c'est pas des gens qui passent leur temps à s'abonner sur des chaînes YouTube. C'est ça. C'est ça le non, problème non, aussi. Non, mais je crois qu'ils regardent Arte, tu vois. C'est pas aussi simple. Bah, les parlementaires, ils regardent YouTube. Non mais les parlementaires ils sont conseillés par des gens. Tu vas pas me dire que ils vont. Enfin, c'est hyper important. On parle de beaucoup d'argent. Mais là. Bien sûr, mais parce que souvent j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre la politique et les jeunes. Et quand je parle des jeunes, c'est que pour l'instant les personnes qui regardent le plus YouTube, je sais pas par rapport à ta chaîne, mais en tout cas en statistique, ce sont les 13-17. Donc du coup 13-25, pardon. Donc c'est les 13-25. Oui. Est-ce qu'ils sont considérés par les politiciens? Moi, je pense par rapport qu'ils sont, à ça. Ils sont considérés en tout cas par les gros groupes qu'il a cités, Sony, Universal, etc. Ah oui, c'est eux qui créent du clic pour Aya Kamoura. Ils vont aussi proposer des choses pour que ce soit légiféré dans ce qu'ils veulent. Donc, je pense pas que le truc va être complètement bloqué. C'est impossible. Mais c'est impraticable en fait. Hein. C'est infaisable. Donc voilà, il y aura juste des lois, comme il y en a à la télé, comme il y en a à la radio. Et ben maintenant, il y aura sur YouTube. Et maintenant, nous avons Laura, parce qu'on a perdu Alice malheureusement. Ils ont vous avoir marqué au standard. On a Laura qui est avec nous. Salut Laura, comment ça va? Laura de la maison. Ça va Laura, tu vas bien? Ouh là là, ton réseau il va pas bien. C'est le réseau du lundi ça. Allô. C'est le réseau de YouTube. Ah, c'est l'article 13. Ah, l'article 13 ne t'aime pas, il prend tes ayants droit. Exactement. C'est parce que t'as dit dans la maison, donc il y a les ayants droit Vince qui sont en train de reprendre le contrôle. Et est-ce que tu nous entends, Laura? Oui, je vous entends très bien. Ah, formidable. Tu voulais parler avec Matt, il est là pour toi, il t'écoute. Ah. Dis-moi. Franchement, je suis trop fan. On est tous trop fans. Ma pote Merita qui m'a fait découvrir, elle regarde depuis super longtemps. Et voilà. Et aussi, je voulais te dire, j'attends toujours mon chocolat. Ah, le fameux chocolat. Ah bon? Il arrive, il est par la poste. C'est belle private joke. C'est quoi cette histoire de chocolat? Oui, alors, ouais, c'est ça. Il faut expliquer un peu. Parce qu'en fait, à la fin de mes vidéos, je dis abonne-toi et t'auras un chocolat. Oh. Il y a plus d'un million maintenant qu'il y a de chocolat. En plus, il va falloir faire un deal avec Chocotoff ou avec Côte d'Or. Fais gaffe. C'est ça, je cherche. Okay, j'ai vu sa tête se décomposer. Genre, non, on va t'aider. Bonne soirée. J'adore. Vrai, donc fais un petit like et t'auras un chocolat, c'est ça? C'est ça, exact. Et donc, à chaque fois que je vois des gens, c'est où il est mon chocolat, bien sûr. Ah, oui, ça devient une blague qui revient, Nick, qui revient. C'est ça. Et je suis sûr qu'il doit y avoir un petit commentaire, genre j'attends toujours mon chocolat, qui doit avoir 2000 likes sur une vidéo, un truc dans le genre. Le commentaire qui doit revenir souvent. Laura, c'est laquelle ta vidéo préférée de Matt? Oh, c'est trop dur à choisir, mais moi je dirais franchement 50 nuances plus clair, je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire. C'est un classique. Ah, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore vu c'est celui-là. C'est un classique celui-là. D'accord. Ta vidéo qui a le plus de vues, c'est laquelle ? C'est la Reine des Neiges, je pense. La Reine des Neiges ? Ouais, ouais. Bon, après, c'est tellement puissant, la Reine des Neiges. Oui, c'est ça. C'est ça. J'imagine que ma fille a dû tomber sur toi, parce que ma fille tape toujours la Reine des Neiges sur YouTube. Ah. Et à un moment donné, quand t'as gardé tout le contenu possible de la Reine des Neiges, tu tombais à un moment donné sur la Reine des Neiges de maths, quoi. C'est... Et puis, les déguisements font tout. Ah, et c'est vrai que les déguisements, la petite perruque passe toujours bien. Tu les gardes, ces déguisements, ou alors tu les refourgues après ? Non, non, bah en fait, je crois que j'ai une malle énorme. Sérieux ? Oui, j'ai des dizaines, mais vraiment, sans déconner, j'ai des dizaines de perruques. Ah, mais ça, c'est ouf, ça. J'espère que personne va jamais venir fouiller chez moi, par exemple. Ce serait très bizarre. Ce serait malaisant. On te fait un bisou, Laura, à bientôt. Hein. Je peux faire une dédicace ? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, on t'écoute. Dédicace à la télé royale Boban de Charleroi et à tous les 6e B. Eh ben, message bien passé. Merci. Gros bisous, Laura. Bisous. Ciao, ciao. Bisous, merci. Au revoir. Bye bye. Vince, moi, je fais une pub à mon prochain abonné sur Insta, là. Et c'est quoi ta pub que tu fais à ton prochain abonné sur Insta, Guillaume ? Il faut nous dire. Hein. Bisous à Chloé qui est connectée aussi. Les amis au standard, vous me dites comment ça se passe, hein, parce que je sais qu'on a eu Alice, puis on a plus eu Alice. Qu'est-ce qui se passe, Eddie ? Vas-y, raconte-moi tout. Dis-moi tout. Bah, du coup, là, j'avais appelé Alice. Ouais. Et elle était grave chaude. Hein. Elle disait, ouais, non, je suis grave. Mais son téléphone, elle a plus de batterie alors. Non, c'est pas ça. C'est mais quoi ? Non, ça sonne et je tombe sur sa boîte mail. Sa boîte bah, c'est qu'elle a plus de batterie, la pauvre. Mais non, mais ça tombe pas directement, donc ça sonne. Donc peut-être elle est trop stressée. Ah, peut-être que tu l'as trop impressionnée parce qu'elle a entendu ta voix. Et donc, voilà. Elle va se contenter des vidéos sur YouTube, la pauvre. Mais en fait, comme on l'avait calé et qu'il y a plein de gens qui veulent passer, on va essayer de caler d'autres personnes. Je n'ai qu'une seule chose à dire, pas de voix, pas de chocolat. Bonjour, oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu. Vince, article 13 ou pas, je passerai sur Dailymotion si jamais il n'y a plus rien sur YouTube. Oui, bon, est-ce qu'il se passe encore quelque chose sur Dailymotion ? Je me pose la question. Je sais plus pas. Vraiment, hein, plus vraiment. Et puis en plus, Dailymotion est autant concerné que YouTube. Donc, Oui, voilà, c'est ça. C'est partout le même bordel. Hein. Ah ouais, et même ça. Vimeo, hein, vous avez bien tenté. Exact. Et peut-être même Routube, je sais pas, là, le truc russe. Routube ? Je sais pas. Ça, je ne sais pas. Routube, ouais, c'est là où il y a Thibaut qui fait des vidéos podcast. Oh Routube, pour ceux qui connaissent ou pas, là. Matt, un grand merci à toi d'avoir été dans cette émission. Cool. Mais je t'en prie. Et j'espère qu'on a réussi à informer un peu les gens là-dessus. Mais je crois, et déstresser un peu la situation. Quoi. On va récupérer la vidéo, on va la mettre sur les réseaux sociaux histoire de faire comprendre davantage qu'est-ce qui s'est passé, quoi, comment. Parce ça que c'est important de signer cette pétition pour garder un Internet libre parce qu'on a remarqué avec le temps que l'Internet est de moins en moins libre en fait. Hein. Exact. On a de moins en moins l'occasion de faire certaines choses. Aux États-Unis, ils sortent plus vite quand ils vont sur un certain site et ils sortent beaucoup moins vite quand ils vont sur l'autre puisqu'ils ont annulé la parité d'Internet, enfin l'égalité d'Internet. Ouais, c'est-à-dire maintenant ils vont rendre des sites beaucoup plus accessibles que d'autres. Ouais. Exactement, donc il y a des trucs qui vont être privilégiés, etc. Par contre, ce genre de site, c'est plus de 400 personnes. Ah bah désolé, c'est pas possible. À sentir la rouge. Oui, voilà, un peu comme tout. Au début, tout est libre, c'est un peu l'anarchie, c'est un peu le bordel. C'est vrai que pendant des années, c'était l'anarchie, les Warez, on pouvait télécharger légalement, on n'avait pas de problème. Et non, bah, maintenant, ça se régule, effectivement. Les maisons d'ici sont contents, ils retrouvent de l'argent comme avant. C'est clair. Donc voilà, et Matt, je souhaite que ta chaîne puisse continuer à nous faire rigoler parce que ça fait plaisir. T'as pas pensé à faire la télévision en Belgique ou autre, où ils ont pas encore vu ? Écoute, j'ai jamais pensé. D'accord. Jamais c'est plus d'audience que je dis ça, je dis rien. Mais... Non, mais en vérité, YouTube, c'est tellement spécifique que. Moi, je suis bien sur YouTube, tu vois. Après, c'est on verra cool. S'il y a des projets qui se présentent, mais. À voir, écoute, l'avenir nous le dira. Ça va, très bien, formidable. Merci, Matt. Matt se fait des films, je vous rappelle. Merci. Sur YouTube. Et puis également, c'est toujours Matt se fait des films, au pluriel, sur Instagram aussi. Hein. C'est beau. Exactement ça. Parfait, splendide. Tu sais ce qui serait drôle, un de ces quatre ? Non, de faire un petit délire avec lui dans cette émission. Allons-y. Un autre délire, parce que là on a parlé sérieusement, mais on va te réinviter, on va se faire des petits délires. Avec plaisir. Des petits autres vannes. Mais ça il a très sympa. Bien défendu son sujet. Hein. Totalement. Et franchement, ça fait on plaisir. On sent qu'il est pris par les couilles. Allez, bougez pas, on arrive dans quelques instants sur Énergie avec ce soir le prank de l'extrême qui va démarrer. Et quelqu'un me dit, on m'envoie HDS est mort. Oui, mais pareil, t'as HDSS qui est sorti. Donc voilà. My God. Donc tu vois, t'as toujours une petite alternative. Mais pour combien de temps, ça je ne sais pas. Bienvenue. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. Coucou. 9 ans, Alexandre. 9 ans et demi. Attention, oui. Le et demi est important. Bah, évidemment, qu'il est important. Oui, très important. Le 6-9 sur Énergie, demain. Demain, dès 6h. You

veux délirer avec Vince en direct, appelle maintenant le numéro gratuit 0800 23456. 0800 23456. Allez, soyez bienvenus sur Énergie. Vince c'est dans la maison. Mais c'est cela même, nous sommes tous ensemble ici présents, il est 22h09 les amis. Bon, je vous explique, hein, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages, mais là j'ai même pas, je ne peux même pas scroller sur ma souris. Donc je suis vraiment en galère de ouf. Je vais redémarrer l'ordinateur pour être sûr, parce que en fait quand vous envoyez des messages, j'ai envie, il y a quelque chose qui m'a marqué, j'ai envie de redescendre, pouvoir le lire et tout. Je ne peux même pas le faire pour le moment. Donc voilà, donc ne m'en voulez pas les amis, je fais vraiment ce que je peux en tout cas. 0800 23456, ça c'est le numéro du standard, c'est Thibaut Elie qui décroche. Et sinon le numéro WhatsApp, c'est le 0492 222 002, 0492 222 002. Nigel qui est de retour dans la maison. Et ouais, merci, on est là, franchement, ouais, vous m'avez manqué là. Ouais, Nigel est parti sur le côté vite fait là, il est parti faire de la réalisation vidéo. Ouais, je suis parti me branler. On a complètement zappé que. C'est ce qui m'étonnerait pas non plus. On a complètement zappé en fait que notre système vidéo. C'est lundi, je sais pas ce qui se passe le lundi, on a des bugs dans tous les sens. Il faut se remettre dans le bain, c'est tout. Ouais, mais la machine aussi, elle doit se remettre dans le bain, puisque la caméra là, elle tourne pas. Ouais, elle tournait pas, mais c'était trop bizarre. Mais ouais. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais un beau plan sur Lara et toi, du coup, je me branlais un peu. Ah non, sur Vince, moi sur Vince, non, évidemment. Sur Lara, oui. Non. Oh là là. Non, je rigole, sur oh, toi, le, Vince. Oh, le souillon. Oh, le souillon. Je te jure, ta casquette, là, sur l'écran, là, là-bas dans la table de réalisation, ta casquette, elle est blanche. Ah bon, sérieux? Ouais, elle est plus verte, là. Putain, passer du vert au blanc, quand même, c'est chaud. Hein. Jadou qui me dit quoi, là? Jadou est sur Énergie. Ouais. Merci. Merci pour ton message. Vince, je suis dans la maison pour mon anif. Allez, ce serait grave bien. Mais quel est ton prénom, à toi, qui vient de m'envoyer ce message? C'est Isor. Allez, Isor, pour toi. On se fait plaisir, Isor, sur le WhatsApp. Et encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Et encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Que c'est tout bon pour l'année entière. Bon anniversaire, Isor. L'amour et de anniversaire. Non, Nigel, j'adore parce qu'elle m'a écrit, c'est ouf. Et oui, c'est ouf, on est là pour lire les messages. Bon, les amis, c'est bon, je suis de retour sur les messages. Il y a ma molette qui refonctionne. Et ben voilà. Et je salue Seb aussi, que j'ai croisé dans la rue aujourd'hui, tranquillement, du côté de Namur. Tada. Hey, t'es vraiment une star, hein, Vince. Voilà, c'était ce matin, Namur et tout. Le mec, il se balade, et il m'arrête, il me fait « Attends, excusez-moi, Vince ?» Et moi, dans ma tête, je me dis « Je vais lui faire une blague, je vais faire genre, c'est pas moi, tu vois. » Alors du coup, je vois son visage, mais il a l'air trop sûr de lui. Je dis « Oui, effectivement. » Il fait « Oh putain, j'avais peur que vous me disiez non, parce que sinon j'aurais l'air con et tout ça. » Ouais, c'est ça, c'est le vouvoiement et tout. On te vouvoie carrément. Super cool, il était mal à l'aise parce qu'il devait aller chez le coiffeur. Après, j'ai enlevé ma casquette, je fais « T'inquiète frère, on est dans la même galère. » Ouais, mais du coup, il y en a un des deux qui t'a fait une chirurgie faciale. Hein. Je sais pas lequel, je dirais pas. Ouais, bah écoute, il y en a un des deux qui n'aura plus de salaire fin de mois. Hein. Je sais pas lequel des deux, je dirais pas. Yovins, il y a le ballon d'or, c'est le ballon. Merde, putain, non, le ballon d'or! Il est affiché, il est dit? Non, elle dit rien. Ne me dites rien, je veux non, pas il spoiler. Il est pas encore dit. Hein. Mais attends, il y a quelqu'un qui me dit le ballon d'or cette année, c'est n'importe quoi. C'est quand le ballon d'or qu'il annonce? C'est aujourd'hui ou c'est. C'est aujourd'hui là. La cérémonie est en cours. C'est pas vrai. Ouais, mais le gagnant n'a pas encore été annoncé. Oh mon dieu! Alors ça joue entre qui et qui, Eddy? Entre là, Olivier Tom. Ça joue entre qui et qui, Eddy? Entre Lukaku, Kevin De Bruyne et Thomas Meunier. Si c'est seulement, une blague. Si seulement. Si seulement. Non, ah, mais j'ai cru. Il y a un top quand même. C'est qui dans bah, le top? Je sais pas, Messi, Ronaldo. On parle de Luka Modric. Cette année, c'est Luka Modric. Il y a Griezmann, peut-être. Mbappé et Varane. C'est une blague aussi. Et Mbappé, il est pas là? Si, Mbappé, mais il vient de dire. Mbappé, Varane, c'est qui Varane? Varane, c'est un défenseur de l'équipe de France, voilà. Évidemment. Trois Français hein, dans le top 4. Quand même. Ouais. Bah dis donc là. Et Cristiano Ronaldo, évidemment. Oui. Ah, quand même. Oui, bien sûr. En numéro 5, il y a Lionel Messi, il y a Mohamed Salah et Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont 8 et 9. Ce serait bien quand même. Mais attends, il y a trois Belges dans le top 10. Oui, enfin, il y a Thibaut Courtois, il n'y a pas Lukaku. Hein. C'est trop et bizarre. Le trophée Copa était remporté par Kylian Mbappé. D'accord. C'est qui le trophée Copa? C'est l'espoir, genre. Voilà. Ah mais s'il a gagné l'espoir. Et c'est Kylian Mbappé, tu vois. Mais ça je vois qui c'est. On met dans la chanson là. Je sais très bien qui c'est. Voilà. Et alors Vin, c'est qui a gagné le ballon d'or? On sait pas encore qui a gagné le ballon d'or jusqu'à maintenant là. N'hésite pas. Merci Damien pour ce commentaire. Laurent. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Ouais, salut l'équipe. Salut Laurent. Bon, apparemment, c'est Luka Modric. Hein. Ah bon? Ça a fuité, apparemment, qu'on a le classement des 30 premiers cet après-midi. Ouais. Mais c'est bon, qui, Modric? Lara, Luka Modric, il a fait la finale de la Coupe du Monde, c'est un croate. Dans quelle équipe? Bah, croate, Modric. Attends, mais tu me fais genre là. Voilà. C'est vrai. Un peu le football. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne qui sont pas forcément au courant. Donc, ça a fouetté cette histoire. Ouais. Tiens donc. Il était mis genre Modric premier avec 700 et des points. Ouais. Le Cristiano Ronaldo, parce qu'ils ont les résultats. Ils ont les résultats. Ouais. Parce que c'est qui vote? C'est les entraîneurs qui votent, non? Les entraîneurs, les joueurs de foot, les managers, là, et la c'est FIFA aussi. Tout le monde. Et les journalistes. Et la FIFA, bien sûr, avec ses avocats, ils représentent facilement 90% des votes. Hey, bravo. Hey, merci. Ça a fouetté. Modric l'emporte devant Ronaldo. Ah ouais, donc carrément ça a fouetté. Donc il en a gagné quoi, 5 Ronaldo? Ouais, bah il a égalité avec Messi, 5-5 ouais, chacun. C'est ça, ouais. Sur 10 ans, c'est-à-dire que c'est à eux deux qui ont tout gagné sur 10 ans. Oh, et là, c'est la fin d'une époque, hein. Ouais, là, que, là c'était clairement fin d'un cycle en fait. Hein. Surtout si Messi n'est pas sur le podium, c'est vraiment la fin d'un cycle. Mais non. Ouais, ouais. Messi. Ouais. Excellent. Bon, en tout cas, les amis, voilà, ça aurait effectivement fouetté l'info. Lavigne, j'ai dit à ma soeur que je suis passé sur l'énergie, elle ne me croit pas. Bah, pourtant, elle doit être en train de nous écouter maintenant, ta soeur. Et oui, on a fait un bisou à Isor pour son anniversaire. Qu'est-ce qui se passe, Randy? Tant que ce n'est pas Griezmann, moi je suis content. Ah, Randy est dans la maison. Et merci, Randy. Ah, non, mais c'est sûr, Griezmann, j'aurais pas kiffé, moi. Christelle est là, salut Christelle. Ok. Salut! Yo, Christelle dans la maison! Ça va Christelle, tu vas bien? Ouais, ça va, impeccable. La journée s'est bien passée aujourd'hui? Tranquille. La vita est bella? Non, plutôt, oui. Non, plutôt, tu sais, ça veut dire quoi la vita est bella? Tant mieux, Christelle. Christelle, tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Donc j'ai 36 ans, je viens de Braine-le-Comte. Braine-le-Comte, très bien, un peu au sud de Bruxelles, là, tranquille, dans le Brabant. C'est bien, non, Braine-le-Comte, c'est Hainaut déjà. Hein. Non, c'est Brabant-Wallon, non? Non, c'est Hainaut, je crois, Braine-le-Comte. Non, c'est le Hainaut. C'est le Hainaut. Ouais. Déjà c'est, mais vraiment à la limite, hein, limite même. Hein, ouais. I didn't know. Voilà. Moi aussi, j'étais surpris un jour, je vois le panneau Hainaut, je vois que je suis à Braine-le-Comte. Je fais, ah bon? J'apprends des choses, parce qu'on a l'habitude avec les Braine-l'Alleud et Braine-le-Château. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pour ça. Christelle, ce soir, on va faire le prank de l'extrême. Et c'est toi qui vas piéger ta fille ce soir, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors, quel genre de blague nous allons faire ce soir? Raconte-nous tout. Ben, je vais lui annoncer tout simplement que je quitte son père. Donc, à mon avis, elle va pas être très enchantée. Oh là là! Elle a quel âge, dis-moi, ta fille? 16 ans. D'accord, ok. Ah ouais. Petite période, ça peut très mal passer. Ou alors elle va dire, oui, bah écoute, tant mieux, fais ce que tu veux, je m'en balais. Moi, c'est l'adolescence. Hein. Je m'en bats les ovaires. je suis très curieux. Alors bon, elle est attachée à votre couple, j'imagine. Bah oui, quand même. Ouais, non, mais peut-être des enfants, ils s'en battent les couilles, ils s'en foutent. Hein. Genre, ouais, mais ils font semblant. Peut-être qu'ils font semblant, c'est ça. Au fond, t'es blindé. C'est une fille, elle a 16 ans, quoi. C'est vrai. Ah bah écoute, je connais des filles à 16 ans, genre, ouais, bah tant mieux, ça me fera double cadeau à Noël. Là. Voilà. Bon, en tout cas, Christelle, ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire passer moi pour ton nouveau, on va dire, mari. Pas ton nouveau mec. Hein. Voilà, ton nouveau mec, ou devrais-je dire ton amant, ouais, en quelque sorte. Et attention, je m'appelle Maury, je viens de Dakar, quoi. Ah bon, voilà. Je vais me faire passer pour le gars qui vient du bled un petit peu. Voilà. Oh là là, purée, mon père m'en voudrait si vous m'entendez. Je précise que mon père est d'origine sénégalaise et il détestait quand je faisais les parodies de. Sérieux? Ah, il détestait quand j'imitais la famille et tout. Genre, il me donnait ouais. Il essayait de me retourner, genre, tu manques pas de respect à tes ancêtres. C'est mais normal. Papa, j'ai mon droit à la parodie. Non, article 13. Article 13, je pouvais pas. Exactement. Allez, c'est parti pour Lady Gaga avec Bradley Cooper d'abord. Christelle, reste bien avec nous sur Énergie là. Et n'oubliez pas, les amis, ce soir, on va parvenir d'encore pas mal de trucs dans l'émission. On a des cadeaux. Et étant donné qu'on vous offre Battlefield 5 ainsi que Darksiders 3. Et ça fait plaisir. Lady Gaga, Bradley Cooper, c'est Shallow tout de suite sur Énergie. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you so hardcore, I'm falling. find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Direct avec Vince. Mais oui. Énergie avec WhatsApp. Mais vas-y. Omar est dans la maison. Salut Omar. Et comme elle dit Lara, sur Énergie. Leslie est dans la maison. Johan est dans la maison. 0492 222 0002 0492 222 0002. Et franchement, vous pouvez essayer, ça marche, il n'y a pas de problème. Les amis, Vince est dans la maison. Mais c'est cela même. J'espère que vous allez bien tout le monde, tranquillou. Et n'hésitez pas à tenter d'envoyer un message, vous allez voir, ça passe très très bien. Là, il y a Seb qui m'envoie un message. Franchement, Vince et l'équipe, changez pas, énorme plaisir de t'avoir croisé. Merci Seb. Il y a Quentin qui m'envoie une photo. Il m'envoie visiblement le classement qui a fuité avec les points, etc. Là, par rapport au Ballon d'Or. Et il paraît que ça vient de tomber, c'est confirmé, c'est bel et bien Modric qui est le Ballon d'Or. Et ben, c'est la première fois en 10 ans, je crois, que c'est un ballon différent que un Ballon d'Or différent que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et ben, ça fait plaisir en tout cas. Zaïd, qu'est-ce qui se passe, Zaïd? Vince, oui. C'est Luka Modric qui a remporté le Ballon d'Or 2018. Merci pour l'info confirmée là. Et il y a Maël de France aussi qui nous envoie un message. Qu'est-ce qui se passe? Smile pour toute la planète. Smile malgré les tempêtes. J'adore moi les trucs qu'on m'envoie parfois, c'est tellement du what the fuck. Fred. Fred et GG sont dans la maison. Eh ben voilà qui fait plaisir. Jordan, Vince, je suis trop content que t'aies utilisé mon slogan pour ton émission, Joran. Ben c'est normal mon pote. Sinon je t'ai appelé Jordan moi dans mon WhatsApp. À chaque fois que vous envoyez ça, on vous met en jingle par la suite. Les aliments sont dans mon fion. Ah ben voilà photo du coup, comme ça on se fait plaisir. Bon attention Christelle, on la récupère. Allô Christelle, est-ce que tu me reçois? Ouais, je suis bien là. Formidable. Christelle, est-ce que tu es prête ce soir pour faire une blague à ta fille? Go. Nous allons jouer au prank de l'extrême, tu vas commencer à lui parler et j'interviendrai après. Le principe, c'est que tu vas lui faire croire que tu quittes son papa, tu quittes ton mari pour aller avec un Sénégalais que tu as rencontré sur internet, un truc dans le genre. Un tricolore. Voilà. Et c'est moi. Et donc du coup, je m'appelle Mori Diallo, voilà. Dédicace. Comment ça se prononce? Mori, tout simplement. Mori comme Mori. Un champignon. Voilà. Mori. Comme la sauce Amora, mais sans le A. Donc Mori, tout simplement. Diallo, c'est sénégalais? C'est sénégalais, Diallo. Ah, oui. C'est sénégalais, c'est Afrique de l'Ouest en général. Ah, oui. Voilà, ça vient. Ouh, Fanta Diallo. Voilà. Ouh, Fanta Diallo. Exactement. Attention, c'est parti, Christelle. On appelle Coralie, ta fille, tout de suite. Et regardez l'heure qu'il est. Il est 22h22! Merci les auditeurs, vous tombez toujours à pic. Oh yeah! Ils sont toujours là, motivés à nous envoyer ça. Attention, ça appelle. On écoute ce qui se passe. En espérant que ça décroche maintenant. Allez. Courage de l'extrême. Allô? Coucou chérie, c'est moi. Ça va? Maman? Oui, c'est moi. Pourquoi tu m'appelles en masqué? Je t'appelle pas en masqué, c'est une erreur. Ah, mais il est mes numéros privés. Bah, je sais même pas comment on fait, donc... Ouais, c'est bon, je sais pas, faut que je te parle, c'est quand même assez important et comme je sais que t'es entourée, je me dis que c'est le moment, c'est l'instant. Attends, parce que je fais... attends, mais du coup je vais aller dans la salle de bain, attends. C'est important à quel sujet? C'est à propos de ton père. Ouais, de quoi? Bah écoute, ça fait déjà un moment que j'ai envie de t'en parler, et voilà, ça commence à être difficile. C'est et bah là, comme j'ai pris la décision, je comptais quand même t'en parler, vu que t'es quand même concernée, et je quitte ton père, c'est fini. J'ai décidé de partir. Non, je te jure, j'en ai... Non. Non, c'est pas une blague, j'en ai marre, j'en ai plein le cul de ton père, il fout rien, la maison, il est jamais là. Il boit comme un trou, c'est un gros fat. C'est sérieux? Ben oui, c'est sérieux. Tu crois que je rigolerais là-dessus, franchement? Ouais, mais c'est quand même mon père. Enfin, c'est ton mari, maman. Ça fait plus de... Je sais pas, ça va faire 8 ans que vous êtes mariés. Comment tu peux... Oui, ben tu sais, les choses changent. Voilà, ton père, c'est plus l'homme que j'ai connu il y a 8 ans. Il a beaucoup changé. Et voilà, moi, j'en ai marre. Non, mais je comprends pas. Oh. Mais tu comprends pas, tu vois pas ce qui se passe à la maison, enfin. Ouais, ils nous attendent pas. Il est toujours là. Ton père, il suit le mouvement. Il y a plein de choses qu'il comprend pas. Et voilà, je pense qu'il va prendre une grosse claque dans ta gueule. Non, il est pas d'accord. Non, pas encore. Il est pas tout à fait au courant, on va dire. Oh là là. Il n'est pas tout à fait au courant et voilà, j'ai déjà essayé de parler avec lui et moi maintenant c'est bon, voilà, je supporte plus qu'il me touche, c'est voilà, c'est un puant ton père, il sert à rien en fait, il fait chier dans ma vie. Ah oui, il sert à rien en fait. Mais non, il sert à rien ton père, c'est un fainéant quoi, il est même pas foutu de me sauter correctement, alors... Pardon? Ah, c'est plus maman, ça fait rien là, je suis ta fille. Et toi, tu me l'as dit rien si. Écoute, je suis énervée, donc j'ai le droit de m'exprimer quand même un minimum. Punaise. Attends, parce qu'elle a. Non, ça va. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, pourquoi ça irait bien? On fait rire, maman. Sérieusement? C'est une blague? Non, c'est pas une blague, Coralie. J'en ai marre. Vraiment, je te jure. Je sais pas, t'as rien à voir. T'es aveugle, apparemment. T'as pris 2 minutes. Oula. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Attends. Elle va prendre la sauce. Tu perds ton téléphone, là, ou quoi? Qu'est-ce que tu fous? Non, c'est le petit frère de Laura. Hein. Il joue là, dans la salle de bain. Il a failli balayer tellement la vénère. Non, mais... Donc voilà, je disais à propos de ton père, voilà, c'est plus possible. Maman. Christelle, on voit du beau. Non, hein. Mais ma décision, elle est prise, Coralie, c'est tout, voilà. Comme je t'ai dit, ton père, voilà, je sais plus comment exprimer ce que je ressens, mais là, j'explose. Tu discutes, vous discutez tous les deux, même si... Mais on a déjà essayé, bon sang, tu nous as déjà vus, hein. On se dispute tout le temps, on sait pas lui parler, ton père, dès qu'il a bu... Il se met dans tous ses états. D'abord, maintenant, c'est fini, Coralie. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai rencontré maintenant, t'as quelqu'un. Voilà. Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je le connais. Je ne compte plus retourner avec ton père. Non, tu ne le connais pas. Ah, donc c'est comme ça. Non, tu l'as... Mais je te le présenterai. Il n'y a pas de souci. Il est beaucoup mieux que ton père. C'est beaucoup pas le laid et affreux Jojo qui est ton père, puant, alcoolo. Oh là. Et en plus de ça, un mari absent. Donc voilà, c'est pas du tout... C'est pas du tout la même chose que ton père, c'est certain. J'ai trouvé mieux. Lui, au moins, il a des couilles. Tu vois ce que ton père n'a plus, apparemment. Mais un cerveau aussi, parce que c'est vrai que sans cerveau, ton père, il n'avancera pas beaucoup dans sa vie. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Tu sais pas me rappeler dans 5 minutes? Dans 5 minutes? Non, mais tu te fous de ma gueule, là. 2 minutes, s'il te plaît. Ok, on fait ça. Très bien, ça tombe bien, on a la pub. Oh, Coralie. C'est bon, attends, hop. Voilà, elle a raccroché Christelle. Alors Christelle, eh ben dis donc, tu t'envoies du lourd. Ah oui. Oh putain, c'est chaud. Ne listing absolument pas sur le clash. Hein. Alors Christelle, ça tombe bien qu'elle ait demandé parce qu'on allait être coupé par la pub, tu vois. Ouais, donc, je suis en train de me dire comment est-ce que je fais, j'interviens, etc. Bon, tout d'un coup, je suis le fameux mari et je vais intervenir et je vais l'appeler moi, d'accord, et lui parler avec elle. Donc on va lui laisser 5 petites minutes tranquillou. Ça promet. Hein. Voilà. Ah non, mais alors là, complètement. Et pour toi, elle y croit à fond là. Ouais, elle est mauvaise, je pense qu'elle est mauvaise. Ou elle a raccroché parce qu'elle l'avait vraiment mauvaise, ou alors elle était vraiment occupée, j'en sais rien. Mais dis-moi, Christelle, elle est avec ton mari là pour l'instant? Non, elle m'a dit qu'elle était chez sa copine Laura, apparemment. Ça va, on est rassurés. Eh ben écoute... Non, elle est pas avec mon mari. Non. Est-ce que c'est vrai ces histoires que ça va plus très bien au lit? Est-ce que c'est vrai? C'est parce qu'on dirait que t'avais vraiment du contenu à balancer. Hein. Alors là... Ouais, mais j'en ai du contenu, j'en ai. Ah bah, bon, comme dans tous les coups, voilà, ça se chamaille, ça se clash un petit peu, mais c'est l'amour qui prime, bien sûr. Ouais, on va dire ça. Si ça se trouve, elle veut vraiment le plaquer à l'antenne, tu vois. Ça se trouve, elle sort vraiment avec toi, t'es pas au courant. Ouais, c'est ça. Merde, putain. Surtout que t'es vraiment bien décrit dans le rôle, quoi. Je m'appelle vraiment Maury Diallo. Bah tiens, non. Bon, allez, c'est parti, on fait ça dans quelques instants sur Énergie. Reste avec nous, Christelle, on va rappeler ta fille Coralie, là, dans quelques secondes. Et puis bougez pas, puisque tout à l'heure, on a le bébé, je les connais aussi. Yeah. Le Give Me Five. Je vous rappelle, on va parler des hackers. Est-ce que vous avez déjà été hacké? Parce que je connais un gars, là, il va peut-être réagir dans cette émission. Ouais. Mais hacké de ouf, les gars. Mais hacké de ouf. Il a cliqué sur un truc qu'il aurait pas dû cliquer. Ça va très loin. Vol d'identité. Quelqu'un se fait passer pour lui dans un autre pays au monde. Avec un bancaire. C'est dingue. Je crois pas. Du moins, j'espère pas. Mais en tout cas, on se fait passer clairement pour lui et tout ce qu'il a créé en 15 ans. Quelqu'un fait croire qu'il est lui, quoi. Ah ouais. C'est ouf. On en parlera tout à l'heure parce qu'il faut vraiment rester ultra méfiant. Ça peut se passer à n'importe quelle minute. Et lui, jamais de sa vie, il aurait pu penser que ça allait lui arriver. Bah pourtant, oui. On arrive tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Vince, 21h minuit sur Énergie. Et bisous à Laurent et Matt qui sont connectés. Et Seb aussi. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500€ cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500€ cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78 et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1€ par SMS envoyé et reçu. T'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Jaloux. rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Ah oui, ah oui, ah oui. 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Hey, welcome sur Énergie, Z avec Happy Now, c'est ce qui démarre tout de suite. Lara, t'aimes bien ce son, toi, hein? J'adore. Ah, ça va nous mettre bien sur Énergie. Bébé, je les connais à suivre. Et la suite du prank de l'extrême, là. Christelle qui a, voilà, elle a mis vénère sa fille Coralie en faisant croire qu'elle quittait son mari. C'est parti, on arrive tout de suite. Somewhere in the crowd, in a foreign place, are you happy now? There's nothing left. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, washing the weight of your pockets so deep. Salut Vince, c'est Paolo de Liège. On est là, hein? J'ai été faire un petit tour à Venise et qu'est-ce que je fais quand je reviens? Ben, j'écoute Vince et dans la maison sur Énergie. Allez, bisous à toute la team. Continuez comme ça, vous êtes trop fort. Le soir, du lundi au vendredi, dès 21h. Ma mère, aïe, aïe, aïe, aïe. Et sur Énergie. Allez, welcome back sur Énergie. Il est 22h36, les amis, avec vous toutes et tous, de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci à Manon qui est là. Là. Vince, bonsoir, je vous écoutais déjà pendant que je faisais mes devoirs en espérant. Et comme ma molette ne fonctionne pas, je ne sais pas voir le message. Ah, c'est incroyable, voilà, que la pétition fasse son effet. Oui, pour l'article 13, effectivement. On a parlé tout à l'heure avec Matt, se fait des films. Bientôt 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Wow. Respect parce qu'il vient de Belgique et franchement, ça fait plaisir d'avoir comme ça un Belge qui fait partie de, bah, du top des meilleurs YouTubeurs des pays francophone, c'est vraiment cool quoi. Bonsoir Vince, moi c'est Clémence de Liège, c'est ma première participation. Je trouve que Christelle a donné du vrai lourd pour sa blague, le pauvre Marie s'il écoute la radio. Parfois les vérités se disent dans les blagues. Ah, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que Christelle, c'est ce que tu attendais de faire, de passer des vérités dans tes blagues ou pas du tout, Christelle? Peut-être un peu, ouais. Ouais, comme d'hab, hein, tout doucement, mais sûrement. Bon, Christelle, on a laissé un petit timing à Coralie. Elle a demandé, ouais, rappelle-moi dans 5 minutes, s'il te plaît. Tu lui as fait croire que, voilà, tu vas quitter son papa. Est-ce que tu penses qu'elle est du genre à aller le dire à son mari ou à ton mari, du coup, parce que à son mari, ce serait compliqué. À ton mari ou pas? Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, elle est pas avec lui. Donc d'accord. Est-ce que t'as mis ton mec dans la combine? Non. Bah attends, mais elle prend des risques, dis donc. Bon, super, on la rappelle. Tu lui dis, voilà, tu essaies de prendre un peu la température, tu demandes comment est-ce qu'elle le sent, pose-lui des questions. Et après, tu dis, bah écoute, justement, il est là avec moi, mon nouveau mari, enfin mon nouveau copain, et laisse, c'est parti, on fait plaisir, ça va? D'accord, ça va. Allez, on y va, let's go. On appelle tout de suite Coralie, en espérant que ça décroche maintenant, parce qu'elle avait dit quand même, laisse-moi un petit temps. Allez, on écoute. Ouais, ça va ? Ça dérange pas, là ? Non. C'est bon, maintenant, on peut parler ? Oui. T'es calmée ? J'ai pas le choix, non. Je sais pas, hein, tu peux me dire ce que tu penses, hein, y a pas de souci. Hein, bon voilà, je t'annonce la nouvelle. Justement, je t'annonce la nouvelle, c'est parce que je veux savoir ce que tu ressens, je veux savoir ce que t'en penses, toi. Ce que je ressens, c'est que, tu vois, papa, lui, jamais au moins il t'aurait trompé, tu vois. Déjà. Ah, non, c'est rien. Et rien. Je connais mon père quand même, d'accord ? Oui, mais ça, bon, je vis avec quand même, je couche avec, donc je pense que je le connais un peu mieux que toi, tu vois, tout de même. C'est une autre manière de voir mon père que toi, tu le vois comme ton mari ou comme je sais pas quoi, mais moi, je le vois comme mon père et je sais comment il est. Et je sais bien que lui, il n'aurait pas fait ça. Ouais, peut-être, c'est ce que toi, tu penses, mais voilà. Maintenant, peu importe qui a fait l'erreur, elle est faite, donc c'est trop tard, j'ai envie de te dire. Donc, alors, moi, je voulais savoir ce que tu saches, ce que j'en pense. Et, je ne veux même pas ton mec, là, ou je sais pas trop quoi. Mais écoute, Coralie, tu n'auras pas le choix. Enfin, tu dois comprendre que, voilà, je suis ta mère, ça va plus avec ton père. C'est tout, c'est terminé, c'est tout. Et maintenant, voilà, moi, je vais pas rester... Tu veux que je finisse au couvent ou quoi ? Enfin, j'en sais rien. J'ai besoin de refaire ma vie, moi. Ah ouais, et papa, alors, hein ? Bah, ton père, il fera la sienne, Coralie, arrête. Hein, c'est pas un bébé, ton père. Hein, non, mais ça, merci. Il n'a pas 40 ans, voilà. Il est très moche, ça, c'est clair. Il va peut-être avoir du mal de retrouver une gonzesse. Ça, je ne dis pas, mais... voilà, il a pas 40 ans, Coralie. Qu'est-ce qu'il mis avec, alors ? C'est pour faire ça ? Non, c'est juste que, voilà, quand je l'ai rencontré... Non, mais papa, c'était pour en finir comme ça, après 8 ans de mariage, et encore, et avant, je vous connaissais aussi. Alors, Christelle, c'est passé, c'est d'accord, tu peux partir, c'est qui, lui ? Tu peux partir avec nous, dès ? Ben voilà, je te présente mon nouveau mec, je suis avec, là, en fait. Ah, c'est délicat. Ton nouveau mec ? Ah, c'est délicat, je dois lui parler, dès. Mais c'est un mec ? Si. C'est très délicat. Vas-y, passe la main. Non, je te l'entends. C'est un bougnoul. Oh ! Putain, Nadjou, on va se griller. C'est vous que j'avoue, la belle chat était énorme. Attends, je remets le micro. Chut, je remets le micro. Chut. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que tu veux ? Bonsoir. Moi, c'est Maury Diallo. Et j'ai rencontré ta maman sur l'Internet. Ah, mais ça, c'est la meilleure. C'est une blague. Et quoi. Voilà, on est tombé amoureux. On est tombé amoureux. Ah, tu tombes amoureux comme ça, toi, mais tu t'écris où ? On n'est pas dans une télé ici. Hein. Non, c'est pas la question de télévision, c'est la question que voilà, j'avais le choix de rester au bled. C'est un peu compliqué, tu vois, la vie là-bas. Donc en fait, tu es vraiment un bougnoul qui vient ici, pourquoi ? Pour avoir les papiers, pour te marier, puis pour... Putain de merde, je vais me retenir parce que sinon je vais péter un plomb. J'ai fait connaissance avec Christelle. Tu veux juste quoi ? Mais je suis amoureux de ta mère. Je suis amoureux. Ouais, t'as amoureux de ma mère pendant un an et demi, tant d'avoir tes papiers, puis tu vas te casser. Tu comprends pourquoi ? Tu vas bien parler aux gens. Dans mon pays, on ne parle pas comme ça à ses ancêtres, à ses aînés. Donc tu vas rabaisser ton clapet, tu vas parler correctement. Namakatande moi. Allô ? Oh Seigneur, pitié de moi. Bon, on va rester poli. Je vais t'expliquer. Donc moi. Je m'appelle Maury Diallo, d'accord ? Oui. J'ai fait connaissance avec ta maman, je suis déjà venu à ta maison. C'est très joli. Arrête de te foutre de ma gueule. Et, c'est très joli, même ta chambre rose est très belle. Donc voilà. C'est une blague ? De quoi c'est une blague ? Ma chambre rose. Waouh, t'as une chambre rose, dès ? Non, mais c'est pas grave, elle est jolie, elle est très jolie. Christelle aussi est très jolie. Et on a fait connaissance, donc elle m'a ramené ici. Je vis actuellement chez... En fait, maman, tu l'as ramené ici, c'est une blague. Attends, je te la repasse. Et tout, toi, tu te le tapes. Je te la repasse. Ouais, repasse-la-moi. Ouais, Coralie. Mais oui, il est venu à la maison, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tant que ton père travaillait, il fallait bien que je le vois. Ouais. Enfin, voilà, je te dis, j'ai rencontré quelqu'un. Non, mais maman, putain. Mais Coralie, ça, je vois pas où est le problème. Hein. Mais le problème, c'est que tu trompes papa. Mais oui, oui, quoi. Ça arrive à plein de gens, tu sais. Imagine pas le nombre de personnes à l'heure actuelle qui se trompent. Les personnes actuelles qui trompent, c'est des personnes vraiment. Je suis pas d'accord. Elle trompe pas Nicolas. On est ensemble. Donc, ça veut dire qu'elle me trompe avec Nicolas. C'est pas pareil. Ouais, mais bon, à l'heure actuelle, il ne se passe plus rien avec ton père. Donc avec mon père et ma mère, ça fait 8 ans qu'ils sont mariés, connard. Mais tu vas me respecter, Dave. Coralie. Je vais te jeter la babouche, hein. Allô. T'as ton langage, s'il te plaît. Attends, passe-la-moi. Je vais la remettre à sa place, la petite là. Mais viens me remettre à ma place. Allô. Alors, je vais te servir... un jour, tu m'appelleras beau papa. Ouais, c'est ça. Mais je sais quoi. Et il y a juste un truc, c'est, alors, je ne sais pas qui va rester à la maison, mais moi quand je suis venu, j'ai eu peur du chien et la balou. Il fait peur des les chiens là. Dès que et ça. Mon ami, tu touches mon chien. Mais je vais rien. Une fois chez moi, tu touches à mon chien, mais je vais te faire bouffer un truc, tu vois, je vais te tuer. C'est incroyable, j'entendais comme j'ai jamais entendu des conneries comme mère, ça. Mais qu'est-ce que tu touches à ma mère? Mais retourne dans ton pays. Moi je l'ai touché sur le canapé rouge, c'était très agréable. Et d'ailleurs, bien chaud, à toi, il va y avoir mes photos dans le salon, là. Je sais qu'il y a plein de photos dans le salon. Il va y avoir ma tête avec la famille, cousin Diallo, cousin Momadou, cousin Idriss, cousin Kanté. Tu vas pas un petit frère, c'est ça, mais va te faire foutre. Je vais même ramener mon cousin Ngoro Kanté. Ngoro Kanté. Ngoro Kanté. Arrête, Ngoro Kanté. Allô? Tu m'énerves, arrête. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Je suis tombé amoureux. Le problème, c'est que tu te tapes, ma mère. Mais on est amoureux? Ouais, c'est ça, amoureux, mes couilles. Allez, s'il te plaît, respecte un petit peu ton appareil génital. Tu n'as pas des couilles, toi, Dé. D'accord? Je vais te les mettre en bouche, tu vas rien comprendre, ferme là, je te jure. Mais c'est incroyable, Christelle, je suis choqué, Dé. Je suis choqué. C'est comme ça en Belgique? Vraiment, là. Mais si ça te plaît pas, retourne chez toi. Non mais c'est chez moi ici. Tu m'as l'air d'être venu ici, franchement. Tu m'as l'air, tu es un peu raciste, non? Je suis pas raciste, je t'aime pas. Mais si tu m'aimes pas, ça veut dire que tu n'aimes pas mon peuple. Mais si tu n'aimes pas mon peuple, ça veut dire que tu n'aimes pas les peuples de la terre. On est libre, on peut aller partout où on veut. Là, je vis à Belgique, je vais rester en Belgique. Reste en Belgique, mais reste bien loin de ma mère, t'as compris? Non mais t'inquiète pas, tu sais, comme on dit dans le pays, quand tu commences noir, tu restes avec noir. Donc du coup, Christelle... elle-même, parce que, voilà, j'ai les attributs nécessaires que ton papa n'a pas. C'est quoi, mec? Garde bien tes affaires, garde-les bien. Coralie, tu t'en trouveras sans. En plus, hey, Christelle, est-ce que tu lui as dit concernant notre fils qu'on va ramener du pays, là? Attends, non. Non, lui parle pas de ça. Non, arrête, si, je dois lui parler qu'elle a un petit frère aussi. Non, merci. Attends, faut pas abuser. Si, je vais lui dire. Donc voilà, donc bientôt j'ai la famille qui vient. Il y a ma femme du Sénégal qui vient. Et voilà. Ta femme maintenant. Oui, on va vivre avec. Ma gueule, là. On va vivre avec toi, Coralie, avec Christelle parfois. Il va falloir respecter des. Et aussi, je vais ramener mon fils. Répète. Ta femme là. Ma femme du Sénégal. Ouais, ta femme, là. Voilà. D'accord. Non, mais j'ai toute la femme là-bas, on peut avoir toute la femme. Ouais, il y en a deux, j'ai arrêté. Mais t'as cru ma mère, c'était quoi? T'es une pute? Tu veux des putes, mais tu donnes de l'argent, je t'en mets. C'est une coutume, c'est la polygamie, ça fait partie de mes coutumes et de mes mœurs. Il faut respecter ma culture. Ouais, culture de venir. Bon, aussi à côté de ça, il y a mon fils qui va venir. Tu vas voir, il est très gentil. Il est très, très gentil. Ouais, ben, reste bien avec ton fils, bien loin de moi. Il s'appelle Kanté. Tu connais Kanté? Coralie. Quoi? Il s'appelle Vince Kanté. Ouais. Il est très gentil. Et moi, c'est Jeanne d'Arc. Il est fort. Mon fils, là, vraiment. Coralie, mon fils, là, c'est un animateur de radio. Hein. Il vient. Il est au pays, il va revenir ici. Moi, je lui aurai un petit contrat sur Radio Énergie. Ça va être très bien. Hein. Allô? Allô? Vince sur Énergie, ça te dit quelque chose ou pas? Bah oui. Eh ben bienvenue! Ouais! Coralie est dans la maison! Bonsoir Coralie! Je tiens à m'excuser auprès de mes cousins qui m'écoutent certainement au Sénégal. J'ai perdu l'accent. Oui, je dois l'avouer. Je suis passé de l'hindi. Ah oui, au russe. Au russe. À l'italien. À l'espagnol. C'était du. L'accent là, c'était du n'importe quoi. À l'accent québécois, mais. Ouais, vraiment, je suis parti. J'ai inventé un accent. Ouais. Ça s'appelle le. Voilà, l'accent, tout simplement. Coralie, comment tu te sens? Je me sens soulagée. Ah ben ça j'imagine bien Christelle. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a cru, c'est incroyable. Non merde. Alors, elle a sorti des mots pas jolis jolis. Ah hein. Oui, alors Coralie, il paraît que je suis un bougnoule. Hein, non Coralie. Mais c'est honteux quand même. Hein, Coralie. Comment expliquer ça? Attention, petite musique. Comment expliquer le mot que je viens d'utiliser? Donc, Coralie, tu m'as traité de bougnoule? Oui. Et, mais, dis donc, bon, ma chérie. Elle assume au moins, elle assume. Ma chérie, tu sais que c'est pas bien, ça. C'est très moche. Et attends, si ta mère te téléphone en disant qu'elle plaque ton père, que tu n'insulterais pas le type? Non. Bah, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Puis voilà, je veux dire, c'est pas ma vie, c'est la vie de mes parents. Mais c'est un sujet intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est un sujet intéressant parce que c'est pas facile. Effectivement, je peux comprendre, c'est une souffrance, mais parfois ça arrive. Et quand ça arrive, ben, c'est aux parents d'expliquer. Hein. Alors, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il faut expliquer, comme Christelle a fait. Ouais, écoute, je suis avec un autre gars. voilà, ton papa, il est nul, il joue jamais, il me casse les couilles. On n'arrête pas à se disputer. Au lycée, c'est vraiment une merde. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe, bien entendu. Hein, mais donc, je peux comprendre que Coralie, ça la vénère quand même. Mais c'est incroyable. On avait l'impression qu'il y avait des vérités là-dedans, tellement c'était puissant. Mais elle le pensait vraiment, je crois. Tu te dis, oh, t'arrêtes. Vraiment, je le pensais. Voilà, mais Coralie, donc t'inquiète pas, il n'y a pas d'histoire. Elle a rencontré personne sur Internet et tout va bien. Et on te fait encore. Internet, elle ne sait même pas utiliser un PC. Donc, Ah bon? Oh, dude. Mais c'est peut-être pour ça. Encore mieux, une cible facile, c'est ça, ah, exactement. On te fait un bisou, Coralie. On fait un bisou, Christelle. Et bravo, puisque c'est gagné, du coup. Ouais! On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa à envoyer comme cadeau. On vous fait plein de bisous, les amis, Christelle et Coralie. Hein. Salut! Merci, bisous! Bisous, bonne soirée! Au revoir, mission accomplie. Zara Larsson, tout de suite sur Énergie. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle que tout à l'heure, on va avoir le Gimmo 5, le bébé, je les connais. Et nous allons parler des hackers. I miss you, pushing me close to the edge. I miss you. I wish I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone and I'm starting to freeze. Baby, come bring me hell, let it rain over me. Baby, come back to me. You to rule my life, you to rule my life, you to rule my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, that'll make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, that'll make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Come back to me, come back to me. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. I want you to fuck my nights, yeah, fuck my nights, yeah, all my nights, yeah. personne me fait peur, vraiment. Je veux que tu ruines ma vie. Non mais c'est horrible. Bienvenue sur Énergie. Énergie le soir. Ouais. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h. Vince sur Énergie. Hey, welcome sur Énergie les amis. Vince est dans l'or. Mais c'est ça même. Et merci, il y a plein de messages là qu'on est en train de récupérer tranquillement. Je vous rappelle que j'avais pas de molette de souris, donc je pouvais pas lire vos messages. Mais ça y est, maintenant enfin vous pouvez les renvoyer et je vais pouvoir relire un maximum là. 0492 222 002 sur WhatsApp notamment. Bonsoir Jérémy, la famille. Jimmy. Alors il y a les hackers, mais aussi les crackers. Ah c'est vrai, c'est pas pareil. Crackers, si tu craques un programme, tu craques un truc. Et puis les hackers, bah c'est dont on va parler dans quelques instants là, sur Énergie. Avant ça, je lis vos messages. Vin, je vous écoute avec mon portable dans la bourse à Nivelles, mais faudrait que vous veniez pour. Ah, le truc Viva for Life dans 2 semaines. Ouais, pareil, il y a pas mal de trucs. Mais tu sais, honnêtement, Jérémy, on a plein de choses à faire, tu sais. On a Télévis, on a Cap 48, on a plein de trucs. Et on essaye bien sûr d'aider. Et surtout, il est temps pour moi de vous parler de quelque chose de très important. Alors là, vous n'avez pas dit à quel point, surtout que moi, je ne vous dis pas comment j'ai. C'est un plaisir que j'ai réuni tous les cadeaux de ma fille, qu'elle a eu pendant des années, qu'elle m'a dit tiens, papa, ben voilà, je ne joue plus avec ça, je ne joue plus avec ça. Je dis bah, super, puisque ça va pouvoir servir, étant donné que notre grande sœur, la Nostalgie, ils sont dans une grosse opération qui s'appelle le Magic Tour, qui est de retour. Et vous pouvez y participer, les amis. Voilà, c'est une grosse récolte de jouets en bon état de préférence qui va avoir lieu jusqu'au 8 décembre. Ouais. Et ils font le tour de la Belgique, donc Nostalgie. C'est vraiment c'est nos voisins en fait. Hein. Ils sont juste à côté. On travaille tous ensemble. Même parfois, je leur file des coups de main et tout ça. On s'entraide vraiment beaucoup dans cette radio. C'est ça que j'adore. Et donc pour leur Magic Tour, c'est important pour moi d'en parler et de vous dire que si jamais vous avez des jouets en trop, pas des peluches précises et pas des vêtements, c'est interdit pour des raisons d'hygiène. Ouais. En tout cas, n'importe quel jouet qui est quand même en bon état, que vous dites. Bah tiens, ma fille joue plus avec ça, ou vous-même, vous des jeunes qui nous écoutent et se disent bah j'ai encore plein une caisse à jouer, je les utilise plus. Et ben il y a plein de récoltes qui s'effectuent là, à savoir que demain, mardi, ils vont être au Carrefour à Jambes, le Magic Tour, donc au Carrefour de Jambes pendant toute la journée. Ils seront là pour récolter des cadeaux. Voilà, ça va faire, c'est important parce que voilà, ça permet d'aider. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont malheureusement pas de cadeaux à Noël en Belgique. Et l'idée c'est de pouvoir offrir une Noël à tout le monde. Et n'oubliez pas aussi, si jamais ça se rapproche de vous, hein, n'est-ce pas Thibaut? Mercredi 5 décembre au Shopping Nivelles, voilà, comme ça tu sais Thibaut, garde l'info. Et puis du côté de Tournai, au Shopping Les Bastions, c'est jeudi et vendredi au Westlife Shopping d'Anderlecht, ça c'est pour moi, ça c'est pour nous effectivement. Et samedi au Shopping Cora de Rocourt, les amis, en tout cas demain à Jambes, ça ferait plaisir si vous pouviez filer un petit coup de main à Nostalgie pour le Magic Tour. Voilà, on en parle, on le dit, c'est important et on essaye d'aider un maximum, bien sûr. C'est ça la force de la radio. Il y a Dams aussi qui est connecté. Dams, quoi de neuf? Merci Dams. Ah bah il y a ton truc à planter Dams, malheureusement. Ouais. Juste un bonsoir à l'équipe. Vince, ma belle-mère travaille au Carrefour de Jambes. Ah. Eh ben ta belle-mère aura l'occasion de voir la team Nostalgie, c'est sympa. Bon peut-être pas tout Énergie mais on va essayer de passer. Vince, moi je pourrais leur donner mes cartes Yu-Gi-Oh, mais grave, c'est énorme ça aux îles, c'est super cool. Initiative, ouais. Ouais, dédicace à Norlito, message passé et il y a plein de messages qui arrivent là. Vince, Jérôme là qui m'a envoyé un long message, j'essaie de voir de quoi il en retourne. Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Comment appelle-t-on un russe qui a la grippe? Ouh là là. Irnif la morve. Irnif la morve. C'est un bon début. Pas mal. Logan, je veux partager ma chaîne YouTube, s'il te plaît, j'aimerais débuter. Mais du coup, c'est quoi ta chaîne YouTube? Tu me l'as pas noté. Gros big up et dédicace à toute l'équipe, à mon pote GG signé Raph qui a envoyé ce message. Salut Vince, je savais pas que tu pouvais lire les messages en direct. Ouais, si, effectivement, on lit les messages en direct, les amis. 0492-222-002. Allez, encore tout un programme, il y a pas mal de trucs qui vont se dérouler ce soir. On va parler du hacking. Faut surveiller vos comptes Facebook parce qu'il y a plein de nouvelles méthodes qui commencent à arriver. Facebook, Instagram, et il y a une personne qui en a fait les frais. Il s'appelle Kenny. Salut Kenny. Salut Vin, salut toute l'équipe. Yo, Kenny est dans la maison. Ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré. Non, reste calme, toi aussi. Alors bon Kenny, on va pas faire genre bonjour Kenny alors tu es un auditeur. Kenny c'est un pote, hein, je vous le dis. Voilà. Pas Kenny, c'est plus que ça, c'est un artiste. C'est un artiste. Il est très sceptique dans la vie. Voilà, il s'appelle DJ Sceptique, effectivement. Et déjà, il a eu l'occasion de mixer plein de fois sur Énergie, je tiens à le préciser. Ouais. Et donc, Kenny, voilà, je le dis clairement, pote depuis 10 ans. Il lui est arrivé un truc de ouf qui aurait pu m'arriver à moi. Mais vraiment, et qui aurait pu arriver à n'importe quelle personne qui est en train de nous écouter, méfiez-vous parce qu'il se passe plein de trucs sur internet où on arrive à. Il y a des nouvelles méthodes comme ça, ultra mais flippantes. Quand je dis flippantes, c'est-à-dire que vous tombez dans le panneau, même si vous y connaissez en internet. Hein. C'est notamment le cas de Kenny, 15 ans d'expérience dans internet. Qu'est-ce qui s'est passé, Kenny? Raconte-nous tout. Bah ouais, écoute, je vais essayer de la faire courte parce que c'est une histoire qui dure maintenant depuis 3 semaines, 1 mois déjà, et c'est pas encore fini. Et c'est ouf, hein, et méfiez-vous, ça peut vous arriver là, c'est important. Mais si tu veux, on peut rester avec toi 3 semaines à l'antenne pour écouter l'histoire, allez. Bah pas pendant 3 semaines, on y va, c'est parti, on écoute. Dis-nous. Ouais, donc en fait, j'ai reçu une notification sur Facebook, tout simplement. Tu sais, là où Facebook te contacte habituellement pour te prévenir que quelqu'un a aimé une photo ou un truc comme ça. Ouais. Donc une notification qui vient du serveur, enfin du réseau Facebook, on est d'accord, hein. Ouais. C'est ça, c'est l'endroit où Facebook, d'habitude, il n'y a que Facebook qui te contacte par là, quoi. Voilà. Et donc, j'avais reçu une notification me demandant de vérifier ma page, donc ma page artiste DJ Sceptique, avec quelques informations donc à donner. Donc, en cliquant là-dessus, je suis arrivé sur un lien Facebook qui m'a demandé donc quelques informations, mais quelque chose d'assez simple, hein, donc nom, prénom, date de naissance, a priori, rien de ouf. Et un mot de passe aussi ? Non, pas de mot de passe, non. Ok. Et donc, voilà, donc j'ai envoyé mes infos. Sauf que le lendemain, en me réveillant, bah, je me suis rendu compte que j'avais été déconnecté de tous mes comptes et que tout avait été supprimé, en fait. Bam. Et là, c'est vraiment une grosse claque. C'est-à-dire que même, donc ça s'est passé sur Facebook, mais même ton Instagram a disparu. Instagram, la page Facebook, le profil, la page de mon groupe Basement, dont j'étais administrateur, avait sauté aussi. Donc tout avait pété, en fait. Voilà. Et alors, du coup, bah, ça a été un petit bordel. Donc on a essayé de retrouver des personnes, parce qu'il y a un nom qui est apparu. C'est ça, il y a un nom qui est apparu. Genre, le changement de mot de passe viendrait d'une personne, c'est ça, hein? C'est ça, en fait, sur Instagram, pour me hacker, il a dû changer mon adresse email. Et il se trouve que l'adresse email qu'il avait mis à la place était un nom et un prénom. Voilà, ouais. Et en cherchant simplement sur le net, je suis tombé sur un gars qui apparemment bossait pour Facebook. Ah. Enfin, du moins prétendait, c'est ça, j'ai bien compris ce que tu m'avais expliqué. Attends, ouais, c'est, mais c'est intéressant, c'est écoutez ça. C'est un jeu de piste. Ouais, mais complètement. Ouais. C'est ce qu'il annonçait en tout cas sur Facebook, comme quoi c'était un des gars de leur équipe. Quoi. Et basé en Égypte. Oui. Donc voilà. Mais attention, voilà. Parce que ça a été très loin. On va y revenir après, Kenny. C'est pas juste on a volé ton compte. Là, ce qui s'est passé, on a réussi à le découvrir, mais parce que en fait les pages avaient disparu en Belgique, mais pas à l'étranger. Hein ? Et on a découvert, enfin Kenny en tout cas a découvert un truc de ouf via quelqu'un qui est à l'étranger. On en parle dans quelques instants, mais voilà, soyez méga méfiants. Il y a quelqu'un qui me dit Vin, ça se passe aussi beaucoup avec les jeux vidéo là. C'est ce qu'on m'a envoyé qui est arrivé là. Vince, moi aussi je me suis fait hacker, tous mes comptes ont disparu et 2 ans après, en fait tout était revenu. C'était toujours mon nom et mon prénom avec des photos de quelqu'un d'autre. C'est trop flippant. Qui a fait croire à toute une vie et tout ça. Sauf seul bémol, j'arrivais pas à rentrer en contact avec lui. Non mais truc de ouf. On en parle tout de suite sur Énergie parce que croyez-moi, son histoire, elle est vachement grave. On arrive tout de suite. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Vous allez vivre un moment ultra privé, exclusif, avec votre star Énergie, Orelsan. Vous savez comment je m'appelle ? Ça te prononce Orelsan ! Énergie Live Session. Bonjour, c'est Orelsan. Vous n'avez pas les passes. Votre radio préférée vous invite pour un concert en toute intimité dans les studios d'Énergie à Bruxelles. Tout va bien. Découvrez les hits de son nouvel album en live. Et soyez parmi les 50 privilégiés à vivre cette expérience unique. Écoutez Énergie tout le temps et gagnez vos places pour ce concert ultra privé, exclusivement réservé aux auditeurs d'Énergie. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc. Oui, comme ma première SACEM. Je suis temps au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées. Mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc, obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. la bijouterie. J'ai pas laissé mon ADN. Ah ouais, ah ouais. Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu paies. Ah ouais, ah ouais. Evry c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Plata ou plomo. Tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flingue dans la vague. Soir quand tu sais pas quoi faire. Dès 21h. C'est chelou. Ah ouais. Il y a toujours quelqu'un pour te faire passer une soirée de ouf. Vince sur Énergie. Oh my gosh. 21h minuit tous les soirs. Vince est sur Énergie. Mais Vince là. C'est cela même, 23h les amis. Bon, encore pas mal de conneries à faire ensemble. Give me 5, bébé, j'ai déconné. On parle des personnes qui sont fait hacker leur compte là. Il y a pas mal de personnes qui le vivent là. Il y a Geoffrey qui me dit: Vince, quel est le comble des hackers en matière de préservatif? Parce qu'ils n'ont pas envie de les craquer. Ah. Voilà, merci pas Geoffrey, mal. Pas mal. Et quelqu'un qui me dit: Vince, juste des personnes via leur PC arrivent à faire crasher notre Play ou notre Wi-Fi. Après, la Play refonctionne, ça dure quelques minutes. Juste des personnes qui prennent notre pseudo en ligne et s'amuse à nous faire bugger. Putain, c'est dingue ça quand même. D'ailleurs, il y a Anaïs qui a réagi en disant: Vince, j'ai une pote qui s'est fait pirater son Fortnite et le hacker a dépensé 255 €. Le père de ma pote était vert et enfin il a piraté son compte IE là. Et Vince, salut, moi je me suis fait effacer, je fais hacker sur un jeu que l'on envoie des messages aux gens et il y avait des messages que j'ai vus et que je n'ai pas fait ça. Voilà, ça c'est spécial qui nous a été envoyé là. Et puis quelqu'un me dit: Vince, moi il y a quelqu'un qui a réussi à hacker ma carte Visa sur le PlayStation Network. Mais c'est dingue hein, quand même, t'imagines ce genre de truc, comment ça peut se passer super vite. Alors on va revenir là-dessus avec Kenny. Mais mesdames et messieurs, il se passe quelque chose dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va adresser la parole à Thibaut. On a découvert un truc, on est en live sur Instagram. Allez nous mater sur Instagram, Vince Radio, V-I-N-Z Radio. Allez tous vous connecter dessus. J'ai une légère douleur dans le cou, j'ai touché et j'ai un bouton. Ouais. Paraît-il qu'il est blanc et du coup Nigel il a chouette idée de vouloir me le percer, mais c'est dégueulasse. Alors est-ce que t'as réussi à le percer ou pas? Mais il l'a pas encore fait, il veut faire un live le gars et tout. Mais wow. Attends, je vais le faire moi, on m'appelle esthéticien Vince. C'est dégueulasse les gars. Esthétique Vince, ça fait gaffe. Allez, va près de Vince. C'est quoi? Attends, je me lève. Mais c'est ignoble, tu vois. Non, mais là, il vaut mieux qu'il aille près de moi, il y a plus de lumière. Viens près de moi. Allez, viens Thibaut. Mais vous allez faire ça. Non, mais vous allez faire ça avec du papier. Vous devez savoir un truc, on va retourner dans le sujet. Vous devez savoir un truc, les auditeurs, je déteste les boutons blancs, les boutons pleins de pus là. J'ai envie de les enlever parce que je trouve qu'il y a des impuretés là-dedans et c'est mon côté esthéticien. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'aurais dû ouvrir mon salon de dermatologie. Bon, attendez, oh, il est énorme. Attendez. Il est énorme. Je veux plus de lumière pour l'Instagram. Vas-y. Mais il est énorme ton truc. Hey, salutations à tous les gens connectés sur Insta. Instagram, c'est Vince Radio, V-I-N-Z, R-A-D-I-O, les amis. Allez, mater le live. Tu vas faire ça à main nue. Ce bouton, attends, je vais filmer ça. Ah, oh, mais je le vois d'ici. Mais il est énorme ton bouton. Je suis à 4 mètres. On dirait des trucs qu'il y a sur internet là. Allez, attends, il y a Nadjul qui va filmer. Allez, vas-y, là, ça pique. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Pas mal, s'il te plaît. Mais il est énorme. Ah. Regarde-moi ça, il est ça énorme. Brûle. Non, en plus j'ai les ongles sales et tout, c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Non, mais faut faire sans papier, sinon on verra rien. Ouais, mais ça va me sauter dessus. Mais tiens, c'est pas comme ça. Non, les gars, stop. Non, reste là-bas, toi. Laisse-le là. Non, putain, la race en mêle, merde, la race en mêle. La race va venir le faire. Ça va prendre doucement. Ok, t'es prêt? Ouais. Oh, ça va voler dessus. Attends, je vais mettre sur Nigel. C'est un bouton. Ah putain, mais ça. Ouais, les gars, vous faites ça là. Mais non, Vince, tu sais pas le faire. Mais c'est comme ça. Ah ouais. Voilà, comme ça. Comme ça. Ah! Attention, t'es prêt? Avec le papier, c'est mieux. T'es prêt? Ouais, avec le papier, ouais, mais elle va. C'est pas comme ça. Mais tu veux que je le fasse, regarde? Je vais avoir une. Mais l'arrête! Mais on s'en fout, lui fait mal! Qui veut retirer le bouton de Thibaut? À moi! T'as envie de le retirer, Lara? Parce que sinon, vas-y, hein! Non, mais moi, je vais pas le faire si tu veux, regarde! Non, arrêtez! Eh, frère, moi, je sais le faire! Alors, est-ce que tu vois bien? Je suis perceur de boutons de père en fils. Oh putain, ça va me voler sur la gueule, je le sens! Attention, on y va! Ah putain! Oh, c'est dégueulasse! Ah, oh, c'est dégueulasse! Ah putain, ça fait mal! Ici, attends, montre aux éditeurs! Ah, oh, c'est dégueulasse! Oh, il saigne! Ah, il saigne! Ah, bah merde, oui, bah c'est pas un bouton blanc! Mais si, c'est un bouton blanc, regarde ton sang, il est blanc! C'est dégueulasse! Oh purée, on le confond avec ses cheveux maintenant! Allez, merci Thibaut! Merci Thibaut, il devient tout rouge le pauvre! Allez, au revoir. Sans répercage de boutons, non mais complètement. Ah là là. Bon les amis, on retourne à nos moutons un petit peu là. Avec le gang qui devine, je me suis fait hacker Clash Royale Facebook et hier sur PS4 sur le même compte. Vince, que toi t'es déjà fait hacker. Ouais, ouais, bien sûr. À l'époque MySpace Messenger. C'est maintenant, vrai maintenant c'est fini, je suis trop vigilant. Je mets 10 000 sécurités parce que vous pouvez le faire bien sûr. Alors on récupère Kenny, DJ Sceptique, à savoir. Est-ce que tu nous entends Kenny? Ouais, là, Kenny est toujours dans la maison. Et donc Kenny, plus connu sous le nom de DJ Sceptique en Belgique, donc il a, donc, pour répéter ce qui s'est passé rapidement, il y a un formulaire qui est arrivé de Facebook, une notification de Facebook, donc lui il s'est dit c'est un truc en interne, il a mis ses données, etc. etc. Boum, le lendemain, tout perdu, Instagram, son compte, sa page, les pages et tout ça. Et quand on dit que ça a été plus loin, bah, raconte-nous la suite, ça a été jusqu'où ça? Bah donc on s'était arrêté sur le fait qu'on avait donc trouvé un nom et un prénom qui appartenait à un gars qui apparemment d'après Facebook bah bossait pour eux. Justement avec ton aide Vince, on avait réussi à rentrer en contact avec le gars justement. Hein. Ouais. Et donc il s'est passé quoi quand vous êtes rentré en contact avec le mec? Et il trouve en fait que le gars donc était directement très accessible en fait, très gentil, trop avenant, très familial. C'est... en fait. Ouais, c'est-à-dire que quand, parce que j'ai fait ça avec Sceptique, hein, par ordinateur interposé, je rentre en contact avec le mec, je lui explique, tiens, parce qu'il avait plus Facebook, tu vois. Ah ouais. Et le bar, il me dit ouais, c'est pas la première fois que quelqu'un me dit qu'il s'est fait hacker, qu'il y a mon nom qui apparaît. Il travaille, et le mec, il écrivait dans ses descriptions, il travaille en tant que social media, mais pourtant quand tu regardes ses photos, c'est un blédard. Ah ouais. Alors okay, je dis pas, l'habit ne fait pas le moine, bien entendu. Mais quand je dis blédard, c'est-à-dire que le mec, on dirait pas qu'il a une vie d'informaticien social media. On dirait qu'il a plus une vie je suis à la plage. Okay. Il était jeune quoi. Il était méga jeune. Ouais, il n'y a pas d'âge, je pense. Et alors le mec il dit ouais, donne mon numéro WhatsApp. Donc t'es rentré en contact avec lui, mais tu trouvais. Et puis le mec il t'a demandé un truc qui là tu t'es dit non, mais merde, le mec ça se trouve c'est la même combine, c'est nouveau le même gars qui a piraté, etc. Il t'a demandé tes coordonnées. C'est-à-dire qu'en fait, les gars qui font ça, c'est pour récupérer un maximum de données qui t'appartiennent. Il a demandé une photocopie de ta carte d'identité. Non mais lol. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc là, on s'est dit, bon, le mec est dangereux, on le bloque de partout. Et c'est drôle parce que moi, quand je l'ai bloqué, il y a une demande d'ajout qui est arrivée sur Facebook, mais d'un autre nom. C'est le même nom, plus ou moins. Je crois qu'il y avait un D en plus ou un truc dans le genre. Mais attends, mais je comprends pas ce gars-là. Mm-hmm. C'est celui qui a piraté. On pense que c'est lui. Mais là, tu disais qu'il était en Égypte, c'est ça? Ouais, c'est ouais. Un gars ouais. d'Égypte. Ouais, ouais. Okay. C'est un gars qui sait. Attention. Le gars me proposait en fait directement. Il m'a dit plusieurs fois en 24 heures, tu peux récupérer tous tes comptes. T'inquiète pas, je vais t'aider. D'accord. En gros, c'était ça. Alors qu'en fait, pas vraiment. Tu les as récupérés, les comptes? Attends. Donc, bref. Au final, je me suis vachement méfié de ce gars. J'ai préféré le bloquer et tout simplement ne pas prendre son aide, façon de parler. Écoutez, ça va loin. Ça va loin parce qu'à ce moment-là, bon, j'étais un petit peu perdu. Et quelques jours après, je recevais en fait des captures d'écran venant de DJ de l'étranger qui en fait me montraient des posts venant de Facebook qui apparemment venaient de ma page DJ Sceptique, sauf que c'était des posts qui parlaient de choses pornographiques, de sites de rencontres, des choses comme ça. Sauf que moi, d'ici en Belgique, la page était fermée, n'existait plus à partir d'ici, quoi. Ouais, elle a été fermée géographiquement parlant. Et j'ai vérifié et je ne peux pas le faire. Non, j'ai été regarder sur la page Vince, j'ai regardé sur la page Énergie Belgique, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire en sorte que. Je crois qu'il fallait encore plus loin dans les paramètres, mais en tout cas, moi, je n'ai pas accès. Pourtant, ma page est vérifiée. C'est une page officielle avec 300 000 fans. Je devrais pouvoir la rendre accessible normalement si cette option existe. Et ben, je ne peux pas faire en sorte que ma page soit vue uniquement, ne soit plus publiée dans tel pays. Allez. Et donc, on se demande comment est-ce que c'est possible, comment les mecs, ils ont réussi à faire un truc pareil. Donc, du coup, tous les Belges ne pouvaient plus voir les publications, mais c'est très grave parce qu'en fait il y a carrément ta voix qui a été utilisée. Ah oui. C'est-à-dire en fait que quelqu'un qui est à l'étranger m'a filmé son écran pour me dire écoute, ta page en fait ici, le gars était au Qatar, donc c'était mon frère qui était en tournée là-bas. Et il me dit voilà, ta page d'ici est disponible, je te fais une vidéo, je te montre ça. Et donc en fait dans la vidéo, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait en fait des photos du gars qui avait en fait repris mon identité artistique. Donc c'est-à-dire qu'il avait pris des photos de lui et il avait écrit partout DJ Sceptique. Oh, il avait été prendre des vidéos à moi sur YouTube où il avait été découper mes voix pour en faire des jingles. Donc ça veut dire qu'on entendait ma voix en train de dire mon nom mais avec sa tête à lui. Et ouais. My God. Et le compte en fait parce que c'est. Mais c'est filmé en plus. C'est il y a des photos de lui en fait. Il y a des photos du gars en question et c'est trop bizarre parce que la page même a été vérifiée par Facebook. C'est le truc le plus hallucinant, c'est-à-dire que ta page n'était pas vérifiée de base, on est d'accord? Ouais. Et là, tout d'un coup, la page volée, s'est retrouvée. Donc, c'est un gars au Bangladesh qui était le propriétaire. Donc, sa page, elle n'était pas certifiée avant. Et la page était vérifiée. Donc, il a retrouvé une page vérifiée. Avec c'est plus de fans, genre 2000 en plus. Avec, et tout. Plein, avec des fans en plus. Le truc le plus chelou. Ça a été un peu différent parce qu'en fait, au départ, j'ai perdu 2/3 de mes fans. Donc, c'est-à-dire qu'il a supprimé une grosse partie des gens qui me suivaient sur la page. En fait, c'est pas lui qui les supprime. Quand tu mets une restriction à une page, genre d'un pays, ça supprime automatiquement les gens de ce pays-là, en fait. Ah oui, d'accord, donc c'est possible de mettre des... Comme il a enlevé sûrement le pays Belgique, ça a enlevé tous les Belges qui aimaient ta page. Ouais, probablement que c'est ça. Ouais. Mais c'est ouf quand même, utiliser sa voix, ils se sont fait passer pour lui avec des trucs pornographiques. C'est méga grave, en fait. Pornographique. En fait, ils ont soi-disant créé une team DJ sceptique où à chaque fois il y avait une photo d'une femme plutôt déshabillée avec à chaque fois son prénom, comme quoi elle faisait partie de mon équipe. Mon équipe. Quoi. Il a changé DJ Khalek. Non, mais c'est quand même étrange, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire, moi je voudrais savoir, maintenant on pose la question aux auditeurs, vous, d'après vous, à quelle fin ça peut être utilisé? Est-ce que ça a été revendu par des hackers qui ont vendu ça à un gars, genre qui voulait avoir une identité, genre je suis DJ? Ou alors c'est justement pour des histoires de prostitution? Parce que c'est pas normal qu'il est... C'est-à-dire que comme il est vérifié et que c'est un nom, parce que DJ Sceptic, tu le tapes sur Google, vous allez voir, il y a plein d'infos, il y a des featuring, des artistes de Jamaïque et tout. DJ Sceptic, c'est un artiste à part entière qui travaille avec Warner Music, etc. Donc, à partir du moment où tu as un branding, tu es une marque, tu as une sorte, et que tu as une page certifiée et que tu es un peu introuvable, tu es un nom connu, mais tu es un peu introuvable. C'est utilisé pour des réseaux de prostitution, c'est pas normal qu'il y ait autant de photos de femmes qui ont été mises sur ce compte, qu'on ne peut toujours pas voir depuis la Belgique. Mais hein. C'est sur la page ou c'est sur ton compte perso qu'il y avait ça? Non, le compte perso, celui-là, je l'ai jamais revu, il a disparu, il était inaccessible, c'était vraiment sur la page. Quelqu'un me dit Vince revend pour la prostitution, drogue, arme qui a été envoyée. Ah bon? Ouais, c'est ce qui sur est. Sur Facebook. C'est, visiblement, tu sais, c'est, je connais pas les lois des pays, je sais que tout dépend de certaines, alors il y a les lois internationales de Facebook, et puis t'as les lois des pays aussi. Et, la prostitution, t'es pas obligé de la montrer flagrante, en fait. Est-ce que vous avez pas tous, à un moment donné, ici, autour de cette table, je parle de Thibaut, Eddy, toi, Nigel, une demande d'une personne avec qui vous avez 0,1 million en commun, qui est super belle, comme par hasard une meuf qui s'appelle Charlène Magenta, tu vois, elle a dans des le genre. Gros seins, des grosses voilà. Fesses. Et tu regardes son profil et tu vois que tu captes que c'est un faux profil. Elle a genre 4 potes. Et elle rentre en contact avec toi et tout d'un coup elle te parle genre hey, trop bien, j'ai envie de te parler, etc. Sur Facebook, ouais. Ça devrait. Et surtout maintenant, je trouve que ça, il y en a encore beaucoup plus maintenant et tout ça. Tu es en train de dire que DJ Sceptic maintenant va se transformer, il va envoyer des messages en mode salut, c'est DJ Sceptic. C'est ça. Si tu veux mettre ta et me voir en live. Tous les gars qui m'envoyaient ça me vannaient justement. Ils me disaient, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es mis au porno, t'as arrêté la vie. Non, mais c'est très grave, parce que voilà, maintenant il y a ça, mais tu peux te retrouver. Tout d'un coup, la police peut débarquer chez toi en disant bonjour monsieur, on a besoin d'explications parce que justement. Votre nom est usurpé par rapport à des situations qui peuvent impliquer de la pornographie, ouais. de la prostitution. Ça peut aller très très loin. Et justement, explique-nous, oui. Ben oui, justement, j'ai hésité, tu parles de police, j'ai hésité à porter plainte parce que bon, c'est vrai que. A priori, ça reste un compte Facebook. On se pose même la question, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux en allant là-bas et dire, voilà, je voudrais porter plainte, on m'a pris ma page Facebook. Mais au final, je l'ai fait parce que Internet, c'est le présent et c'est le futur. Et je pense qu'aujourd'hui, on va être confronté à des choses comme ça de plus en plus. Et c'est important de le faire. Et finalement, la police m'a pris très, très au sérieux. Et voilà, je l'ai fait justement pour éviter qu'il y ait des informations qui circulent en mon nom ou des informations de carte de crédit volées, des choses comme ça. Donc c'est très très important au final de le faire, quoi, de se protéger en tout cas. Allez, on savait que c'était toi, arrête de faire genre. Tu peux nous le dire, on est entre nous. Non mais c'est dingue parce que je reçois des photos d'auditeurs là qui m'envoient des screenshots de leur Facebook actuel avec par exemple une meuf, voilà, meuf, on donne le cliché, qui vous a fait une demande d'ajout, meuf grosse. Ouais, t'es où vraiment exactement, voilà, ça. Elle s'appelle Mita visiblement. Alors toi tu sais pas, tu cliques et regarde ce qu'il y a dessus. Des vidéos genre entre guillemets. Des vidéos. Non mais c'est-à-dire que c'est sur le profil, mais c'est intéressant ça. Il y a ça sur Facebook. Mais en fait sur Facebook, si tu crées un groupe qui est privé, Facebook fonctionne à la dénonciation. Ils fonctionnent en fait, ils ont pas un algorithme qui évalue ton truc, c'est du porno ou c'est pas du porno. C'est les gens qui signalent et c'est par rapport au signalement que Facebook réagit. Sauf si c'est une musique, c'est un système automatique. Donc en fait, tu peux créer un groupe qui est fermé, mettre des trucs dégueulasses dessus, pornographiques, etc., qui ne respectent pas les règles en vigueur de Facebook. Facebook va pas réagir tant qu'il y a pas quelqu'un qui signale. C'est pas vrai. Exactement. Mais donc donc il doit y avoir peut-être des groupes avec des choses hyper illégales. Ou des comptes privés, des comptes privés où tu peux pas voir ce qu'il y a dedans tant que tu acceptes pas la demande. Et dès que tu acceptes la demande, tu vois ce qu'il y a dedans. Et oui, bah non, mais ça peut aller très très loin. Et donc du coup, on a pas mal de messages qui arrivent par rapport à ça. Vu qu'il prend sa page et son compte, il prend aussi sa popularité et essaye de voler de l'argent au compte de ses fans, au compte de ses fans. Ouais, c'est ça, c'est une utilisation d'une audience en quelque sorte. Et il y avait un commentaire de Jimmy là. Jimmy nous a dit ça. Kenny, écoute. Eh bien, en fait, c'est comme la prise d'identité. Avec une identité, tu peux aussi bien faire des faux documents ou des choses comme ça, vu que tu prends l'identité de quelqu'un d'autre. Par rapport au profil, tu peux faire exactement la même chose, dont notamment énormément de trafic, etc. Mais tu peux aussi engendrer de la publicité et toucher des royalties ou des choses comme ça par rapport au biais de compte Facebook, hein, évidemment, hein, tout ce qui est publicité, etc. Voilà, et certainement, bah, étant donné qu'il a le mec du Bangladesh, il s'est dit je suis super loin, tu peux utiliser ce compte-là pour plein d'autres trucs. Mais ça peut être très grave, imaginez tout d'un coup, bah, la police débarque chez vous et vous êtes soupçonné d'avoir fait des trucs alors qu'en fait vous n'avez rien fait. Ça peut être très très grave. Entre-temps, Kenny, ça se répare un peu parce que t'as, grâce à une chance incroyable, tu as trouvé quelqu'un qui a des contacts chez Facebook, ce qui est très difficile à avoir, c'est quasiment impossible. Et donc, du coup, les choses se remettent tout doucement dans l'ordre pour toi, c'est ça, hein? Bah, disons que c'est vrai qu'entre-temps, la fanpage est revenue. Bon, elle était toujours complètement transformée avec des, même, j'ai 3000 ou 4000 fans du Bangladesh qui sont là, bah, big up à eux, c'est cool. Voilà, va falloir parler en bangladéchien, ça va être super. J'invite mes amis belges à me rejoindre parce que là, c'est vrai qu'apparemment, si la Belgique était retirée du territoire et que tout le monde est parti, bah, c'est vachement la merde, mine de rien. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça va prendre un petit peu de temps. On va tous aller reliker ta page. On va faire tout ça. De suite. Voilà. Et pas des gars de disco, c'est ce qui arrive tout de suite, les gars. Oups, reste avec nous, on va se faire tout de suite le Give Mo 5 sur NRJ. Et n'hésitez pas à vos commentaires, la 0492 222 002. Vince Dollar. Du lundi au vendredi. Vince est sur énergie. Bienvenue sur la maison. Bienvenue tout le monde. Là. Merci, j'espère que vous allez bien. Damien m'a envoyé une photo de son cul. Oh là là. Et j'espère qu'on aura le temps de faire Damien ce soir. Hein, avec qu'est-ce qu'il y a dans le derrière de Damien là. Soyez bienvenus sur énergie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vince. Il y a Lara. Il y a Nigel aussi. Yeah. Il y a Eddie. Il y a Thibaut. Ouais. Ils sont là au standard. Ils décrochent à vos appels. Et puis il y a également vous là sur le WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact avec nous si vous le désirez. Vous n'avez jamais essayé. Eh bien essayez les amis. Le 0492 222 002. Pour les Français qui nous écoutent, le 0492, c'est ça, 0400, le mec qui bug qui dit jamais 92. 0492 222 0002 tout simplement. Vous ajoutez ça sur WhatsApp et ensuite tout ce qui vous reste à faire c'est de nous envoyer un petit message et après bah, par la suite on peut rester en contact et c'est ça qui est bien. Attention, dans une minute, heure parfaite. Ah ouais, bien vu, dans 30 secondes même Julien, tu es précis. Bien Julien. Bien vu. Valérie Vince, je vous aime l'équipe, Valérie est dans la maison, merci Valérie. Il y a Jérôme aussi qui m'envoie un lien YouTube, le fou de la nationale, je sais pas c'est quoi ça. Le mec fait givrer à, quoi, un peu givrer à ma soirée. Il faut être plus précis là, parce qu'on m'envoie un lien qui vient de nulle part là, les amis. Salut Vince, moi aussi je me suis fait hacker mon compte, c'était très grave. Plus de 2000 euros volés parce que ma Mastercard était également branchée à mon compte Gmail et Drive et tout ça. Oh, c'est chaud ça. Et donc du coup j'ai eu des sales surprises. Ah bah ça j'imagine bien, effectivement. 23h23 ouais. Et olé! Ça, c'est une heure, là, elle s'en bat les couilles. Non, voilà. Non, elle préfère 22-22, mais 23-23, ouais. C'est. Voilà. C'est vous. Deuxième place. Non, parce qu'en fait, je pense qu'elle attend vraiment quelque chose d'autre. Et courage, il y a une auditrice qui fait ses maths en même temps, là. Il y a Leslie qui est là. Kevin qui me dit, tu peux lire, s'il te plaît. 23h23 et 23 secondes! Ouais. Putain, encore plus précis, voilà, quoi. Voilà. Ouf. Alors, Vince, moi, ça m'est déjà arrivé. Une fille m'a parlé et le type a réussi à brancher mes caméras. Et cette personne m'a vu nu. Il m'a menacé et si je donnais pas 500 euros en 24 heures, il donnait ses photos à tous mes potes et publié sur YouTube et Google. Mais j'ai réussi à le bloquer tout simplement de A à Z. Lisa, tu vas être choquée. Ah mais c'est grave, Vin, cette personne venait du Congo et en fait, elle voulait juste que je lui fasse un virement par Western Union. Ah non mais, alors n'importe quel bled, hein, dès que tu viens du bled, ils sont super forts pour faire croire des trucs de ouf. Hein. Ouais, qui n'a jamais reçu ce mail en mode, oui, écoutez, on a 10 000 dollars pour vous, mais à condition de les débloquer. Voilà. On n'a malheureusement pas les fonds nécessaire pour débloquer cet argent, pouvez-vous nous prêter s'il vous plaît 200 dollars, parce que ces 200 dollars vous nous permettent de débloquer 10 000 dollars et sur les 200 dollars que vous allez nous envoyer, on vous promet de vous les rembourser plus vous donner un surplus de 1000 dollars. Allez, crasse-toi. Et le pire, c'est que un jour ma mère qui fait, tu crois que je peux envoyer de l'argent? Je mors, s'il te plaît. Non, tu vois bien toutes les fautes d'orthographe et tout. Parfois aussi, tu reçois des mails de tes amis qui mais disent, ouais, ils ont cliqué bonjour, sur un truc. Je sais pas quoi, j'ai un problème. Ouais. Y a pas ton prénom. Mais c'est ouf ça. Mais ça vient de l'adresse de ton ami. C'est ça. Tu sais que je connais quelqu'un qui s'est fait arnaquer comme ça. Hein. Genre une mère j'ai qui... un problème, aide-moi, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est genre, ouais, je suis bloqué dans un pays, voilà. J'ai plus d'argent, j'ai perdu mes cartes bancaires, etc. Il y a un problème avec mon mari, tout voilà. ça. Et tu dis, ah, oh, mais c'est pas possible. Et tu dis, ah putain, elle me demande quoi et tout. Et j'ai une amie de ma mère, en fait, qui a payé donc, à une meuf, genre 1500 euros. Non. À une meuf qu'elle elle pensait que c'est sa pote, quoi. Et en fait, bah, la meuf, pas du tout, elle s'était fait hacker son compte. Oh my god. Ah, c'est un truc de ouf, 1500 balles. Non, mais soyez vraiment méfiants. Elle est gentille, et ça peut arriver très vite, hein, les amis. Elle a gentil. Faites gaffe à vous, ça peut arriver très vite. Et par contre, j'ai découvert un truc grâce à un auditeur. Vous savez, on a parlé de l'application Revolut. Une application très sécurisée, tout ça, de banque, en fait, banque en ligne, sur le web, où tu peux avoir ta Mastercard, ta carte Visa, si t'as pas besoin, tu sais, pour des gros trucs, pour des petits achats. Ah, comme PayPal. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est super cool parce que tu fonds ta carte et ils te l'envoient. Donc, c'est méga, méga sécurisé. J'ai fait tous les trucs possibles, imaginables pour essayer de contourner le système. Je donnais mon téléphone, j'ai dit, tiens, vas-y, essaye de trouver un moyen de rentrer dans l'application, ça ne fonctionne pas. Et je trouve ça très pratique. J'ai envie de faire pour des petites sommes toutes sympathiques. Quand tu dis qu'il t'envoie une carte, tu veux dire quoi? Il t'envoie une Mastercard, une carte Visa et tout. Ah, c'est une banque? Oui, c'est une banque, mais qui est online en fait. Et uniquement genre, online. T'as des frais et tout? Quasiment pas en fait. Sauf si tu prends une carte d'un plus haut standing, mais si t'as une carte de base, t'as pas de frais, t'as une assurance maladie ou assurance. Ah, jamais tu te casses la jambe au ski et tout, ben, ce truc web, il est pratique. Franchement, j'ai découvert via un auditeur. S'il se reconnaît, ben, je le remercie. Je connaissais pas. C'est une application qui s'appelle Revolut. Donc Revolut, Révolution. Et ben, franchement, c'est vraiment cool et ça révolutionne pas mal le truc. Et Ozil qui me dit, Vince, j'ai failli me faire arnaquer de 15 000 euros à mon snack. Ça, c'est ouf cette histoire. J'ai failli me faire arnaquer à mon snack à deux reprises par des Africains qui m'ont fait croire un truc de dingue. Franchement, j'ai eu chaud. Ouais, non, mais bon, ça peut être n'importe qui en même temps. Hein. Il faudrait que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'ils ont essayé de te faire croire là. Kenny, qu'on récupère. Allô, Kenny. Ouais, toujours là. Yo, Kenny est toujours dans la maison. Avant de se mettre en mode et sûr. Et oui. Sur Facebook. Voilà, c'est ça, puisque t'es de retour sur Facebook, tout se remet dans l'ordre tout doucement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vit la même chose? Il doit pas hésiter à la police alors, du coup, on est d'accord? Ben clairement, moi c'est ce que j'ai fait. Au moins, tu peux être sûr que tu laisses une trace, peu importe ce qui arrive, que ce soit usurpation d'identité ou que ce soit des vols de cartes de crédit ou enfin de numéros ou peu importe quoi. Au moins, tu as une trace qui est laissée quelque part. Et à savoir aussi qu'en Belgique, ils ont une unité spéciale qui s'occupe en fait de tout ce qui est crime sur Internet. Unité spéciale des victimes. Grave, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc apparemment, cette équipe-là s'occupe aussi de tout ce qui est arnaque sur Internet, etc. Ah, bien, okay. Donc c'est important de le signaler. quand il se passe des choses comme ça. Le plus vite possible, quoi, parce que oui. Non mais ça marque la date. C'est la première chose que j'ai fait en tout cas dès le premier jour. Ouais, parce qu'il y a voilà, il y a des enquêtes à partir du moment où et ils peuvent bosser à l'international. Parce que si ça se trouve, le mec qui a fait ça, c'est ou un gars dans sa chambre ou alors c'est une société. Hein. Vous savez qu'en Chine, il y a des ordinateurs qui sont tous branchés par milliers pour créer des vues YouTube, des fausses vues YouTube, pour créer des faux clics et des plays Spotify, etc. Ouais, pour vous faire croire, par exemple, que ce morceau-là, bah, comme par hasard, il est numéro 1, il a explosé. Ça marche plus trop, ça, maintenant. Ouais, mais VPN, ça marche. Ça marche toujours. Le truc, c'est que les VPN, ça marche toujours, et les Chinois sont très forts, et donc, ouais, du coup, ils arrivent à faire en sorte que les vues viennent de pays précis. C'est assez dingue, c'est assez fou, c'est des algorithmes qui travaillent, et là aussi, c'est des grosses boîtes, et la police court derrière, la police essayer de les choper. Donc voilà, il y a pas, mais vraiment il y a beaucoup de messages de gens qui ont vécu la même chose. Dernière réaction, moi ma mère s'est fait pirater son Messenger et elle disait qu'elle était à l'hôpital, demandait 700 euros pour l'aider à payer les soins. Qu'ils ont envoyé le message quand ils ont envoyé le message, on était tous réunis. Du coup, quand tu reçois un message comme quoi ta mère est à l'hôpital alors qu'elle est assise à côté de toi, t'es explosé de rire. Oui, non mais j'imagine les autres personnes, t'imagines, il y a un numéro de compte et tout, ça peut marcher, hein, quelqu'un pirate mon compte en disant je suis à l'hôpital, j'ai un problème, s'il vous plaît, versez-moi de l'argent. Je connais 10 personnes au moins qui vont me verser de l'argent, mais t'imagines la merde. Non, mais elles sont pas ça dans cette pièce. Ah non, ça c'est sûr. Normal, vous n'avez pas de pouvoir d'achat vu que je vous paye pas. Allez, on remercie Kenny. Kenny, quand tu veux dans l'émission, merci à toi en tout cas. Hein. Merci, big up la team, à bientôt. Bye bye. Au revoir, DJ Sceptique sur Facebook, il est de retour tout doucement là. À bientôt. Big up, big ciao, up ciao. À toi. Allez, à plus jamais. Et alors, j'ai Ozil là dans le standard. Salut Ozil. Ozil est dans la maison. Bon, Ozil a failli se faire arnaquer de 15 000 euros. On en parle juste après. On a Johan qui est là. Salut Johan. Salut Vince. Johan est dans la maison. Energy. On Energy. Ça va Johan, tu vas bien, tranquille ou quoi? Ça va super et vous? Bah écoute, ça va bien. On est bien, on est posé. On va jouer ensemble au Give Me 5. Et ce soir, mon pote, tu vas affronter quelqu'un qui s'appelle Christophe. Salut Christophe. Salut Ben, salut l'équipe. Yo, Christophe est dans la maison. Merci. Bon, sur énergie. Christophe, tu viens de quelle ville? De Mortrou, près de Liège. Près de Liège, Mortrou, oui, tout à fait. La grotte, c'est de l'eau. Hey. La grotte, c'est de l'eau. Hey. Mortrou, on dirait le nom d'un... d'un bled perdu. Ouais, t'es vraiment Mortrou. Je sais pas, je trouve que Mortrou, on dirait vraiment le nom d'un mec qui fait rigoler dans les films français. Mortrou, arrêtez vos conneries. Mais voyons Mortrou, vous ne comprenez pas. Tu sais, c'est un peu genre... Mais il y a la dernière Coupe du Monde là-bas, non? Comment? À Mortrou. Oh putain, oh mon dieu. Bon, Johan, toi, tu viens de quelle ville, toi? Charleroi. Charleroi dans la maison. J'ai grandi à Charlouz. Attention les amis, ça va être à vous de jouer. On va faire le choix. Bah tu qui Amsterdam, ce sera Johan. Johan, tu veux faire équipe avec qui dans cette émission ce soir? Tu as le choix, vas-y, on t'écoute. Bah je vais te reprendre toi. Tiens, la dernière fois je t'avais pris. Ah bon? C'était il y a combien de temps que t'étais passé? Hein? Je crois qu'il y a un bon mois maintenant. Oh, mais tranquille, ça va. Hey, mais il a de la chance parce que il y a plein de gens sur la liste. Bah, c'est du bol. C'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Ah, mais ça explique tellement de choses. T'as quel âge? J'ai 26 ans aujourd'hui. Bien la fête, Johan. En espérant que tu gagnes ce soir, il fait équipe avec moi. Et Christophe, tu veux faire équipe avec qui, dis-nous? C'est vrai qu'il n'y a pas que Taraf qui est super calé pour ce jeu. Donc yeah. Eh ben, allez, formidable. Allez, laissez-moi tranquille. Attention, c'est parti, ça arrive dans quelques instants sur Énergie. Merci à Jimmy là qui est connecté, à Germain aussi. Vin, je travaille au Luxembourg sur la ligne 265. Eh ben, bon courage, mon pote. Ligne 265 au Luxembourg, là. Il est en voiture actuellement. Tony, note vocale, ça dit quoi? Ouais, moi, Vin, j'ai utilisé le VPN pour télécharger Dragon Ball Legends et je regrette pas du tout. Pop, pop, pop. Il est malin, là, oui, parce que c'est un jeu qui est interdit en Belgique, effectivement. Vas-y mon chéri Christophe, Valérie de Mortrou qui envoie le message. Ah tiens, j'ai ta chère tante qui est connectée avec nous là, Christophe. Ouais, vos écoutes de la chambre à côté et ma fille aussi. Ah bah la famille qui est connectée, c'est bon ça. Bon bah Christophe, il a intérêt à être fort, mais bon, pas de chance, tu fais équipe avec Lara et Yohan et moi, je sens qu'on est... Lara, franchement, j'en ai discuté avec mon épouse et Lara, on est tous d'accord que c'est vraiment la meilleure à ce jeu. Merci, voilà. Et bien tu peux dire à ta femme que moi je suis meilleur au lit que toi. Non. Ta gueule. On arrive tout de suite, Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Diego est dans la maison sur Énergie. Tarek est dans la maison. Jocelyne est dans la maison.

J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Soir de 21h à... Quoi ? En fait, on ne sait pas trop. Bah Dieu. Et on sait qu'ils sont là. Allez, soyez bienvenus sur Énergie. Effectivement, vous savez qu'on est là, tranquillou, 23h38. Yeah. Eh, c'est l'émission du lundi. Aujourd'hui, j'ai eu plein de problèmes techniques. Oh là là, mon casque qui s'est mis à merder. Je vous en ai plus parlé pendant l'émission, mais mon casque s'est mis à merder. J'avais plus de molette sur ma... Et c'est vraiment bête, hein, la molette de la souris qui fonctionnait plus. Donc du coup, je savais plus lire vos messages. C'est Est-ce fou, que tu hein. sais qu'une claire molette sur le tibia, ça fait très mal. Ouais, ouais, ah oui, non, ça c'est sûr. Hein. Ça me fait penser à une phase de cette émission là. Et merci en tout cas à ceux qui sont connectés sur le WhatsApp, qui ont eu la patience d'envoyer des messages et tout ça. J'avais pas l'occasion de tout lire. Je suis vraiment désolé. Et un message de type de Fabien, tiens. Ça dit quoi, Fabien? Chocolat. Oh, chocolat. Ce soir, mais c'est pas bien encore. Faire des missions, j'espère. Ah, t'espères ça? Chocolat. Oh my god. Oh yeah. Wow. Ce sera peut-être pour après, effectivement, là. On va rester un petit peu patient. Vince, t'offres pas un chouette jeu aujourd'hui? Si, on a, grâce à Game Lord, yeah. on vous offre. Alors, il y a Darksiders 3 qui vient de sortir. Ouais, jeu de ouf. Hein. Et il paraît jeu de l'année. Il paraît, hein. Ouais, il paraît, ouais. Enfin, il paraît pas, c'est écrit sur leur jaquette, jeu de l'année. Ils se sont, voilà. Autoproclamé. Voilà, autoproclamé jeu de l'année. La jaquette, voilà. Non, mais franchement, Darksiders 3, c'est des jeux, en fait, Darksiders, ça sort genre tous les 5 ans. Mm. Et c'est des jeux de ouf. Vous incarner un des je crois des dieux de l'apocalypse, les dieux de la, il y a le dieu guerre, puis il y avait mort, et là maintenant c'est un nouveau, il y a quatre dieux, les quatre chevaliers de l'apocalypse. Ah oui, vous les incarnez et vous êtes dans un monde entre l'enfer, le paradis, ça tout fait un truc. C'est, non, c'est pas vraiment flippant, c'est plus du heroic fantasy et il y a plein de gens qui kiffent et le jeu est long, long, long de chez long. J'ai jamais terminé ni le premier ni le deuxième, j'ai jamais terminé Darksiders 1 et 2. Je te jure, quand tu penses que t'arrives à la fin, t'affrontes un boss de ouf, ben non, en fait, tu regardes sur le net, t'es qu'au début du jeu, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment méga impressionnant, ces jeux-là, à tel point le scénario, c'est long et tout ça. Et on l'offre, Darksiders 3, les amis, ce soir, sur Énergie. On l'offre, ainsi que un autre jeu, Battlefield 5. Wouah! Ouais, même ouais. Moi, je l'ai pas! Ouais, on est chaud ce soir. On est chaud ce soir. On a chance, nos auditeurs. Hein. Complètement. Franchement, merci Game Lord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'offre au premier message qu'on reçoit? Non. Ah. Ou on se fait un petit tirage au sort tranquille? Parce que ce soir, on va terminer avec pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de dame? On va le faire demain, puisqu'on a vu, on n'aura pas le temps de le faire en plus du mot de la fin. Est-ce qu'on a même le temps de faire le mot de la fin? Si, on aura le temps de faire le mot de la fin, bien est-ce entendu. On a le temps, tout court. Mais si, ça c'est sûr, certain. Et chaque jour, on en a un à vous offrir, hein, toute cette semaine. On est bien d'accord. De quoi le cul de dame? Non. Les jeux vidéo de Game Lord. Ah ouais, bah oui. Voilà, toute cette semaine, les amis, Battlefield 5 a gagné, ainsi que le jeu Darksiders 3 qui sont à gagner ce soir sur NRJ. Tu sais quoi, on va se le faire tranquillement sur le 78, ouais, c'est ça, sur le 78. On va se le faire, c'est 1€ le message, les amis, et c'est dans quelques instants. Donc va falloir rester bien concentré, ça va être la première personne qui m'envoie le message au moment précis, au moment où je le demande. Ce sera après. Avant ça, Ozil, il y a des choses à nous raconter, Ozil, là, avant qu'on se mette en mode Give Me 5. Allô, Ozil. Ouais, salut la team. Ouais, Ozil dans la maison. Ozil, il travaille dans un snack du côté de Namur. D'ailleurs, j'étais à Namur aujourd'hui, Ozil. Hein. J'ai pas eu le temps de passer à ton snack. T'es au centre-ville de Namur ou pas? Ouais, au centre. Je vois des snacks à Namur. Est-ce que t'es pas loin? Est-ce que t'es près de Saint-Ursule? Tu vois l'école, Saint-Ursule, l'université de Namur, là? Ouais, non, quand même un peu. Rue de Bruxelles, ouais. C'est pas près de la rue de Bruxelles, non? En fait, tout est pas Namur, c'est petit le centre. Moi, c'est plus à côté du Parlement. D'accord, ok. Je vois où c'est. Ouais, effectivement, on n'est pas du même côté. Le Parlement. Un Parlement. Alors, Ozil, qu'est-ce qui s'est passé? T'as failli te faire arnaquer, toi, deux fois dans ton snipe pour une histoire de 15 000 balles. Mais c'était quoi l'argument? On en parle quelques secondes avec toi, là. En fait, c'est. Deux personnes qui sont venues. Ouais. Et les premiers m'ont demandé en fait si je vendais le snack et tout, et ils m'ont dit qu'ils voulaient investir. Et ils m'ont dit que leur père était ministre au Gabon. D'accord, ouais. Et qu'il avait fait un détournement de 4 millions d'euros. Donc sans problème, ils t'ont dit qu'eux-mêmes ont détourné 4 millions d'euros du budget de l'État. Du coup, tu y crois? Mais non, franchement, j'y croyais vraiment pas. Parce que tu sais que c'est crédible, hein, tellement il y a des histoires comme ça aussi, en Afrique. Non, mais c'est très sérieux. Un jour, j'étais petit, je me rappelle toujours toute ma vie quand j'avais 10 ans. Il y a un mec qui a fait l'une de l'actualité, il était recherché. Vous savez quoi, le ministre du budget, il s'est évadé avec des milliards de francs CFA. Ah ouais. Le mec a disparu, il était ministre du budget, il a accédé à un truc, il a pris toutes les thunes, il s'est cassé. On l'a plus trouvé. Je te jure, si, ils l'ont retrouvé, ils l'ont rapatrié parce que tu penses bien que c'est beaucoup de thunes. Des histoires comme ça, ça se passe partout et voilà. Donc du coup, ça peut être crédible. Donc toi, au début, tu les croyais pas et continue la suite. Vas-y. Il a demandé à faire une démonstration. J'ai dit ça va et il a sorti des liasses de son tac, mais c'était des billets avec de l'encre noire. Des billets qui ont été volés alors. What? Non, il m'a dit que c'était pour passer à l'aéroport. Mais c'est des conneries, les billets qui ont l'encre noire. Ah, attends, l'encre noire, tu parles l'encre noire qui, lorsque tu mets une blacklight au-dessus, une lumière au-dessus, ça devient visible, ou alors l'encre noire qui font partie des billets, tu sais, qui sont détruits, en fait, lorsque tu fais... Franchement, je sais vraiment pas. Non, il se détruit pas parce que, en fait, il nous a fait la démonstration, et... Attends, est-ce que c'est de l'encre que tu vois, ou c'est l'encre que tu vois pas et qu'il faut mettre une lumière au-dessus? Pour mettre... Mais il a fait un lavage en fait. Attends, je comprends pas. Le billet était de quelle couleur? Noir, on voit rien dessus. Ah, mais donc. Du papier. Ouais, bah alors, okay. Du coup, ouais, c'est des billets volés qui sont plus utilisables, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des billets volés, ça, normalement. Parce que ça a été marqué, c'est des conneries, ce truc-là. Et alors quoi? Et c'était des billets de quel pays d'abord? C'est pas pris au sérieux. Le premier, c'est Gabon. Ok, ouais. Et le deuxième, c'est Congo, mais deuxième, j'ai directement dit. J'appelle la police. Ils t'ont proposé quoi? Ben en fait, voilà, il m'a montré le processus du lavage, il a pris le billet, il a commencé à le mettre dans l'eau, il m'a dit « Ah ouais, faut payer le produit parce que c'est le produit du lavage qui coûte cher. » Ouais. Et après, il m'a dit « Entre deux billets, faut mettre un vrai billet. » Après, il est passé dessus avec... Franchement, c'est une histoire de dingue. Hey, mais attends, mais il faut aller à la police quand même, parce que s'ils ont tenté avec toi, ils le tentent, à mon avis, avec tous les commerces de la région. Hein. Ah, de ouf. Ouais, bien sûr, on a été. À mon avis, ils tentent avec tous les Gabons de la région. Les Gabons, hein, joli, joli. Je confirme, c'est bien le français CFA, là. On demande, c'est quoi ton snack, on nous demande aux îles? Snack Royal. Snack Royal, voilà, tout simplement. Ah, ils ont vu... Royal. Il doit y avoir de l'argent là-bas. Ils ont fait une tournée royale. Donc en fait, ils ont voulu te faire acheter le produit, quoi. Donc ils ont fait toutes des conneries, ils t'ont attiré avec de l'argent pour te faire acheter le produit. Non, les premiers. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas encore ça. Ah, c'est un non, bon gars. Mais ouais. Il est pas mal. Non, ouais, ouais mais non. Du coup, toi, t'es un bon gars, ouais. Et entre les deux billets noirs, il faut mettre un vrai billet. D'accord. Tu sais que la plupart des auditeurs sont en train de nous écrire, dont Manon, je comprends pas cette histoire de billets. Ouais, moi non plus. Est-ce qu'on peut raccrocher? Okay, c'est quoi Je crois qu'en fait, simplement, ils t'ont raconté des grosses conneries et toi, t'es encore en train. Mais tu les vois en live? Quoi? Mais tu les vois en live ou pas? C'est la même couille. Ouais, ouais, c'est des couilles au final, ouais, mais. Allez, bonne soirée, salut. Il a quand même demandé une somme. D'accord, ouais, il t'a demandé des études, moi, il faut pas faire ça. T'as qu'est-ce que nous envoie comme notre vocal? Notre vocal est raté. Bon, et aux îles, je te fais un bisou, mon pote. Et bah écoute, le plus important, c'est que tu dois pas faire d'inquiet de 15 000 balles quand même. Ouais. Mais justement, moi, c'est la question que je me pose. Comment est-ce que t'as pu savoir que c'était de 15 000 euros que t'allais te faire arnaquer? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est eux qui ont demandé. Ils t'ont demandé, ouais, 15 000 euros. Voilà, parce qu'ils m'ont dit pour faire le lavage, on doit le faire au Luxembourg. Mais la personne veut 80%, je ne sais pas quoi. Ouais, on t'embrouille avec des chiffres là. Eh gros, on n'est pas mathématicien, allez, salut. Non, vraiment. Bon, en tout cas, on remercie quand même aussi d'être passé à l'antenne, nous parler de son histoire. On te fait un énorme bisou quand tu veux dans l'émission, mon pote. C'est incroyable. On retient ça. Bisous. Allez, merci, à jamais, au revoir. Au revoir, Ozil. Arrête, c'est un auditeur fidèle, Ozil. Bon, allez, on récupère Johan et on récupère Christophe. On va commencer avec Johan. Johan, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ouais. C'est parti, Johan, tu fais équipe avec moi. Le Give Mo 5, les mots de Johan sont les suivants. Voici, nous avons rosâtre, bouillir, importation, monarchie, bisexuel. Je rappelle qu'il doit tenter de se faire de placer ces cinq mots dans une conversation logique avec un réceptionniste d'hôtel. Bien sûr, ne tente pas de réserver vraiment un hôtel, hein, Johan. Hein. Le but, c'est de placer les cinq mots. Attendre que la personne te réponde avant de placer un nouveau mot. Et je précise, pour les animateurs, c'est plus dur parce que nous allons devoir adopter un style. C'est parti, on appelle. On commence avec Johan. Bon courage. Allez. On appelle. Ça décroche. Le Trésor, bonsoir. C'est parti. Oui, bonsoir. Je suis chef d'entreprise dans l'importation de thé, monsieur. Ce serait pour réserver une chambre. Pour quand, monsieur, vous désirez réserver une chambre? Peu importe, mais avant, j'ai quelques questions avant de choisir la date. Par contre, j'espère que les murs de les chambres, elles sont pas rosâtres, hein, car je déteste ça. Ah non, ça non. Ok, super. Parce qu'en fait, dans la haute monarchie, hein, vous voyez, ils ont des murs de cette couleur et j'aime pas ça du tout, moi. Hein. D'accord. Voilà. Alors, avez-vous une bouilloire? Car j'aimerais me faire bouillir de l'eau pour mon thé. Oui, nous avons une bouilloire dans chaque champ, monsieur. Ah, ça, c'est nickel, ça. Et alors, j'oubliais de préciser, je suis bisexuel, et donc j'ai sûrement mes deux partenaires qui risquent de me rejoindre. D'accord, il n'y aura pas de souci, monsieur. Il n'y a pas de souci, nickel, monsieur. Et alors, ben voilà, moi, je veux bien réserver quand vous voulez. Mais non, mais c'est bon, c'est gagné, c'est gagné. Bravo, c'est gagné. Oh là là, bravo. Waouh, quel homme. 5 points marqués. Très bien. Bien joué, chef d'entreprise. Bientôt, on va devoir faire ce jeu en 30 secondes. Parce qu'on a une minute, on a le temps. Hein. Très joli, très joli. Attention, Christophe, comment tu le sens, Christophe? Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Christophe, est-ce que tu me reçois, Christophe? Oui, je suis là. Allez, Christophe. Christophe qui fait équipe avec Lara. Il y a tout son soutien avec qu'il Lara, a aussi. Ouais. Il y a sa famille qui écoute. Oui, bon, peut-être pas le soutien de Lara, mais. C'est très mauvais. Voilà, c'est comme ça. On va maîtriser la blague. Christophe, t'es prêt? Tes mots sont. Astéroïde, oui. Diamètre, câblage, auberge, vagin. Tu précises que Johan a mis 5 sur 5. Ah, ça va être chaud. Attention, allez, c'est Christophe, parti. Ne répète pas le mot si tu l'as déjà placé, hein, ok? Ok. N'écoute pas les conseils de Lara, c'est si, les plus si, mauvais. Si. Non, ils sont bons, les conseils, faut avouer. Tu laisses juste passer. Nous entendons. Que le gars réponde un petit truc et hop, tu passes à l'autre. Allez, hop, une petite cuisse. Allez. On est avec toi. On appelle ailleurs parce que ça ne décroche pas. Ouais, faut que ça arrive plus vite. Hôtel Café, comment ça? Oui, bonsoir, je vous téléphone pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous explique un petit peu, je suis artisan amateur. Il y a un astéroïde qui va passer dans votre géolocalisation. Au revoir, monsieur. Allô? Oh my god! Ah, oh, ça met la pression au game de Lara là! Bah, le problème c'est que, ouais, il faut absolument que je fasse 5. Vince, mais un point c'est fini quoi! Mais oui, mais c'est ça, mais complètement! Lara, infériorité au niveau des points, tu dois absolument faire 5. Quels sont tes mots, Lara? Aïe aïe aïe aïe aïe! Mes mots sont homicides! Ah, moi dans la tête de Yon, c'est. Hey, on va gagner! On va gagner, ouais! Oh putain, tu m'as détruit! Oh mon dieu! Bon, Lara, tes mots sont. Homicide, bannière, tarentule, jungle et virginité. Et tu as parlé genre en bégayant? Ouais. Mais c'est horrible en bégayant en radio, c'est moche. Écoute, tu sais pas, choisis autre chose alors. Oui, on va changer de truc. Voilà. Mais non, pourquoi c'est moche? Mais ça ressemble à rien, les gars. Ça fait 10 ans que je fais de la radio, je vous jure, quand je réécoute les moments où l'auditeur, l'animateur bégaye, ouah, c'est chelou. On débriefe à l'antenne, mais à l'antenne, non, ça passe bizarre. Non, mais frère, toi qu'il y a des gens qui font de la radio, ils bégayent, donc reste tranquille. Non. Non? Non. Non? Bah non. Ah ok. Bah non. Je pensais être un bégayeur. Non, pas du tout. Merde. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais ça n'empêche pas que c'est possible. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui, mais qui peut maîtriser son bégaiement à la radio, il y en a plein. Bon, Lara. Il y avait un truc que les auditeurs avaient beaucoup demandé. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? T'as vu, j'adore, parce que même Payeno a dit non, faut surtout pas bégayer. C'est drôle. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va la racaille, tiens. La racaille? Voilà, qui va réserver une chambre. Non, mais. Je vais me faire accrochonner direct, ma gueule. Mais d'abord aussi. Marshmello, c'est numéro 1 partout, son, c'est incroyable. Avec Happier. Yeah. Bienvenue sur l'énergie, Vince Dor. Maison! Alright. In the cold light of day, we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Le soir, ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h sur Énergie. Oui, bien entendu, dès 21h. On est là, tranquille. Vince, je vous écoute tous les soirs à la MIF. Eh, merci, c'est gentil. Moi, c'est Ismo et je viens de te mettre sur WhatsApp. Enregistre mon numéro, t'inquiète pas, je vais gérer ça. Il n'y a pas de problème. Et enchanté, Ismo, bienvenue à toi. Là. Et comme d'habitude, bienvenue à tous ceux, les nouveaux. Là, je sais qu'il y a pas mal de nouveaux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais envoyé de message à la radio. Eh ben, on vous salue aussi. On pense à vous, ceux qui n'ont pas WhatsApp. Il vous reste l'opportunité du 30-18, les amis. Ouais. C'est 25 centimes. Le WhatsApp, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Il suffit d'ajouter le 0492-222-002. Allez, un truc que vous avez tous kiffé, certainement, c'est le mot de la fin, ça va arriver. La suite du Game of Five, Lara qui s'y colle. Lara, oui. Attention, je répète que Christophe a fait un point sur 5. Johan, 5 points. Donc, il y a Lara, tu dois absolument faire 5 points si tu veux rester dans la course. Et si jamais tu ne fais pas 5 points, eh ben, je ne dois même plus jouer, ce sera gagné tout de suite pour Johan. Johan qui aura fait ça tout seul. Attention, t'es prête, Lara ? Oui, tout à fait. Répète-nous tes mots, s'il te plaît, en mode la racaille. Homicide, ah ouais, c'est vrai. Oui. Bannière, tarentule, jungle, virginité. C'est parti. Ça va, t'as un truc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En vérité, je voudrais réserver une chambre. Pourquoi, madame ? En fait, je viendrai samedi. C'est l'hôtel où il y a une bannière marquée en grand rouge ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Mais je suis déjà venue, en fait. Mais je voulais savoir si c'était possible de venir avec un animal un peu genre une tarentule. Non, madame, c'est pas possible, malheureusement. Aucun animal de la jungle ? Non. Vous avez peur qu'il y ait un homicide ou quoi ? C'est ça, oui. Ouais, et quoi ? Et si maintenant je perds ma virginité là, c'est aussi un homicide, t'as vu ? Bonne soirée, madame, au revoir. Moi, ouais, merci. Bah, bravo. C'est gagné, bravo, bravo, joli. Franchement, alors là, ça a coulé de source. Ah ouais. Il est bien ou pas ? Ça a coulé. Il est bien passé ou quoi ? Il est bien passé ou quoi ? Eh, j'ai juste envie de prendre ses meilleurs moments et de le mettre quelque part, tu vois pourquoi ? Quoi, il est bien ? Je l'avais dit que Lara était vraiment la meilleure à ce moment-là. Ah, mais alors là, incroyable. Mais sauf que il me suffit de mettre 2 points pour gagner ce soir. Ouais, c'est fini. Aïe, la pression. Tu imagines de me faire accrocher tout de suite ? Mais non, c'est ce que tu fais. Regarde. Technique très simple, tu dis non, oui bonjour, non. Non, mais regarde, tu dis oui bonsoir, est-ce que c'est bien l'hôtel de la Lucarne ? Déjà un mot de placé. Il va te dire non, tu mets ton loto et c'est bon. Pourquoi tu fais ça ? Mais mes mots sont quand même bâtards. Hein. Il y a Map Monde, qui utilise encore le terme Map Monde ? Lucarne, ronronnement, ombilical et transsexuel. Ah, ils sont bien. Et tu dois le faire. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec cette proposition extrêmement lubrique de d'accent ? Je vais me faire accrocher au nez tout de suite. Bah, c'est très bien, comme ça, t'as une difficulté. Parce que sinon, c'est une grosse facile. Difficulté, mesdames et messieurs. Le style, c'est parler avec des orgasmes. Ça va être bizarre. Bon, allez, il me faut 2 points, t'imagines ? Mais fais ce que je t'ai dit, surtout t'as des orgasmes. Arrête, t'as la pression, je suis sûr qu'il y a une pression maintenant, là. Je suis sûr. Ah ! J'ai un stress, imagine, je rate. Je dois juste mettre 2 points, je rate. Oh putain, ça appelle. Putain. On y va. Croise. Allez, Vince. pleure, ça fait du bien. Bonjour, bienvenue dans votre hôtel. Oh, ça met la pression, ce truc. Je peux déjà commencer à orgasmer. Nous allons rapidement. Ça sent plus à Aero 44. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Ça serait pour savoir si je suis bien à l'hôtel Map Monde. Non, ici c'est l'Aero 44, Gosselies. Ah, Gosselies, c'est là où il y a le ronronnement avec les bruits d'avion. Oh, oh, oh, c'est bien ça. Bien ça. Ah, je me suis fait raccrocher au nez. Mais j'ai mis deux points. Oh putain, c'était sur le fil. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi ouais. Pourquoi? Parce que je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Bah vas-y, raconte ton truc. Allez. Donc, Lara est fâchée, attention. T'as commencé ton truc. Pardon, excuse-moi, mon doigt a glissé. Tu sais que c'est à toi que tu fais du mal quand tu fais des choses comme ça. Lara, elle prend tout mal dans l'émission. Hein. Tout, trop, c'est abusé. Juste les grosses putes, bon. Si vous me l'accordez. Voilà, merci. T'as commencé ton jeu avec ta voix normale. Ah bah excuse-moi, bon, ça a glissé encore. Donc t'as commencé ton jeu avec ta voix normale, oui. T'as placé ton map monde, oui. Et ton orgasme, tu l'as amené à la fin. Donc en fait... Mais non, il m'a entendu quand j'ai décroché. Mais pas ça, mais ça c'est un orgasme. Non, il t'a pas entendu. Mais déjà un orgasme, tu vas faire... Mais non, il m'a entendu. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que t'as choisi la facilité. Donc c'est une victoire, mais c'est une victoire un peu... Comme l'équipe de France en Coupe du Monde. Voilà, tout à fait. Comme l'équipe de France en... Et ben tous les Belges qui nous écoutent vont être très contents de ta réflexion. C'est vrai, mais... Voilà, merci. Mais malgré tout, champion du monde. Voilà, c'est ça, la France est champion du monde, je suis désolé. Et les Belges sont ramenés la coupe à la maison. Allez les rouges, allez. Du coup maintenant c'est allez les jaunes. Voilà, c'est ça. Bon Johan, c'est gagné. Bravo Johan, félicitations mon pote. Mais la victoire. Pas une équipe qui gagne, hein. Bah, attention parce que la victoire c'est dû à toi quand même. C'est toi qui as fait le maximum de points, je tiens à le préciser. Bravo Johan. Donc respect. Lara la mauvaise. Lara la mauvaise en tout point. Ah mais moi je déteste perdre. Bon bah Christophe, tu vois, t'as fait équipe avec la meilleure, mais c'était pas suffisant. Ouais, c'est pas grave. Mais dis-toi que t'as été meilleur qu'elle. C'est de vous avoir au téléphone. Mais là, le principal, c'est de vous avoir au téléphone. Donc voilà, donc ça fait 7 ans qu'on vous écoute avec mon épouse et on était super contents de pouvoir un peu participer à l'émission. Oh, voilà. 7 ans, Christophe, c'est un truc de ouf ça. Ah oui, donc tu connais vraiment depuis les débuts, quoi. Mais depuis que j'ai rencontré mon épouse, en réalité, c'est grâce à elle que je vous ai connu. Waouh. Eh ben franchement, ça fait plaisir. Mais faut appeler ton fils Nigel. D'ailleurs, Vince, mon épouse, tu l'as rencontré à l'IPS de Verviers. Quand tu étais allé à l'école, elle était dans le bureau de la direction et tu étais là et j'ai même une photo de toi avec elle dans ton autre frigo. Mais c'est énorme. Attends, oui, l'IPS de Verviers, c'est là où ils ont les sections coiffure et tout ça. On avait fait ça sous un grand préau. Et je me souviens, on avait mis les platines et tout. Ah, c'est merveilleux ça. Ah, mais en fait, c'est une prof. Non, elle travaille au secrétariat. Ouais. Voilà. Ah, cool. Eh, mais en plus, je me souviens d'elle. Elle s'appelle comment encore? Je sais plus. Valérie, il y a Natacha Deblon qui est sa collègue. Voilà, Natacha Deblon, j'ai dit Deblon. Natacha, c'est sa collègue, c'est ça, ça me revient. Et... Bravo. Ah non, les moments magiques comme ça, on s'en souvient, ça c'est sûr. Elle vient t'envoyer la photo sur WhatsApp où tu es avec elle. Mais formidable. Bah, dis à Valérie qu'on va la contacter. Hein. Ah, mais oui, avec carrément monsieur le directeur et tout. Parce que, tu vois, elle fait toujours sa grosse manine. J'ai dit, écoute, appelle Vince. Maintenant, je le sais pas. J'ai dit, il t'appelle ce jour et tu verras. Eh ben, génial. Ben, merci à Valérie qui m'a envoyé la photo. Putain, t'avais 22 ans, ce truc. Et ta gueule. c'est vrai que j'ai pris des rides un petit peu, quand même, on dirait. Hein. C'était il y a 3 ans bientôt, ça. Hein. Ça passe. Voilà. Mais Christophe, je vais contacter Valérie parce qu'on est sur quelque chose d'énormissime, hein, de très important. Elle me parle souvent. J'espère que Vince reviendra un jour à l'école. Mais je lui dis, écoute, contacte-le. Mais bon, voilà. Eh ben, on va revenir. Voilà. Et ce qui est magique, c'est qu'on va venir avec quelque chose de magique et le projet d'une vie. Ça, c'est important de le dire. Donc voilà. En tout cas, Christophe, merci à toi. Fais un bisou à Valérie. Et un gros big up à mon épouse Valérie, donc, et à ma fille Émilie et à toute l'équipe aussi. Et pas à moi. C'est à Lara aussi. Lara qui est toujours la meilleure au Gizmo 5. Voilà, merci. Tu vas avoir des problèmes. Malgré le résultat. Allez, on te fait un bisou. À bientôt, Chris. Ciao. Hein. Salut, merci l'équipe, bonne soirée. Bye bye. Et merci à Johan aussi, raccroche pas. On prend tes coordonnées en antenne tout de suite, Johan, ça va? Oui, une bonne soirée à vous tous. Allez, à bientôt. Au revoir. Un bisou, Johan, bravo à toi. J'ai Pascal qui me dit Vince, ma soeur a appelé son chat Vince. C'est une blague. Mais c'est génial, j'apprécie cette attention, c'est cool. Chabins. Bon, les amis, le mot de la fin. Chabins. Le mot de la fin, oui, en référence à Chabit, qui arrive dans quelques instants. Il est minuit dépassé. Déjà minuit, c'est incroyable, le temps passe vite. On passe vite avec vous. Mais c'est phénoménal. Hein. Quand on s'amuse, c'est comme ça. Ouais. Quelqu'un qui je vous ai parlé de quoi demain? De ce que vous voulez, les amis. Hein, c'est vous qui faites le sujet. Par contre, demain, je crois qu'on a une friend zone demain, il me semble, dans l'émission. Ouais, on a une friend zone. Et on a Damien. Ouais. Alors, j'adore. Il y a David, le boulanger, qui me dit: t'es mauve, t'es pour la France, sérieux, t'as des qualités? Alors, j'ai jamais dit que c'était pour l'équipe de France. J'ai juste dit qu'il faut reconnaître que l'équipe de France est championne du monde parce que, au final, quelle que soit la manière, c'est toujours le résultat qui compte. Moi, je trouve pas. C'est vrai. Mais malheureusement, non. Si. Mais le monde fonctionne comme ça. Non, c'est pas vrai. Ah, si. Bien sûr que si. Pas tout le monde. Mais la race, c'est que le résultat qui compte. Mais bien sûr, dans l'histoire, on retient qui ? On retient les gagnants, quelle que soit la manière. Non, mais si tu peux être un bon animateur radio et avoir des audiences de merde. Je suis pas d'accord parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui réussissent mais avec une éthique et d'autres qui réussissent avec sans éthique, mais c'est l'éthique qui est importante. Mais c'est pas l'éthique qu'on retient, c'est les gens qui ont le plus réussi, qui ont le plus de thunes. Ça dépend. C'est un point de vue. On peut en parler demain, on peut en parler avec vous, on voudrait votre point de vue, d'après vous, qu'est-ce qu'il emporte ? On en parle tout de suite sur Énergie, bienvenue. Vince est sur Énergie tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, en principe, hein, parce qu'il ne finit jamais à l'heure. Hey Vince, il est minuit, faut rendre l'antenne. Vince ! Ah ben, je crois que je parle dans le vent, là. C'est bon, Vince, tu peux terminer quand tu veux. Oh my God. Ouais. Je sais pas quelle heure, sur Énergie. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. Coucou. Coucou. 9 ans, Alexandre. 9 ans et demi. Attention, oui. Le et demi est important. Bah, évidemment qu'il est important. Oui, très important. Le 6-9 sur Énergie, demain. Demain, dès 6h. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with 2 sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody keep it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I'm wearing my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we talk, a woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all the mandem, my trifle swipe me. Knotted up, he could afford to ice me. Tell them that's a bad for me, bitch, you know your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy, yeah? A million, I'm getting my pillion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. 7 Up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Woman like me, like a woman like me. Let like a woman like me. Young money. Vince. Tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Allez, on se fait plaisir tout de suite sur Énergie avec le son de Drake. Ça s'appelle In My Feelings. Vous connaissez, là. Kiki, do you love me? Bon, il y a plein de messages qui arrivent. Hein. Même si t'es favori, c'est le résultat qui compte, qui a été envoyé, qui compte dans tout. Alara, qu'elle arrête un peu, s'il te plaît. C'est Ismo qui a envoyé le message. C'est un message parmi tant d'autres. Hein, y a parce pas de que problème. Lara va penser que je lis que non, les messages. Chacun a le droit d'avoir son avis. Alors, dis-nous de votre avis. On voudrait avoir votre avis, les amis. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la manière ou c'est le résultat? Moi, on je pense parler que ça... demain, en fait. On en parlera demain. C'est le sujet. Ça va être le sujet de demain parce qu'il y a plein de messages qui arrivent autour de ça. Et je suis en train de bouffer Drake là. Je suis en train de parler sur lui, pauvre. Et le mot de la fin qui arrive tout de suite sur Énergie. On arrive tout de suite. Vince dans la maison. And I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, cause I want. need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I'm skate and smoke and rap. Now let me see you. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. And I'm down for you always. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. And I'm down for you always. Got me in my feelings. I just gotta be real with you. Yep. Balance ta voix à la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des notes vocales. Ah, exactement, faites-vous plaisir les amis, envoyez des notes vocales, on est en direct avec vous, j'espère que ça se passe bien là. Minuit 8, on prolonge un petit peu l'émission avec le mot de la fin. On a lancé un débat pour demain, c'est un truc de ouf hein, ce qui arrive. Hein. On parlait de l'équipe de France en disant voilà, est-ce que c'est mérité ou pas mérité. Moi je pars du principe que l'équipe de France championne du monde, c'est pas mérité, mais qu'il faut respecter une loi immuable qui est c'est le résultat qui compte. Non, mais pas la manière. Tu dis que c'est pas mérité, mais il y a 5 minutes tu disais non, tous les moyens sont bons pour réussir. Non, c'est pas mon point de vue. Je dis que le monde fonctionne comme ça. J'ai pas dit que je fonctionnais comme ça. J'ai dit le monde fonctionne comme ça. Entre temps, mais est-ce que t'as déjà pensé comme ça? Jamais. Non. Ah non. Bah non. Bah au contraire, si je pensais comme ça, je serais richissime. J'aurais déjà géré 10 000 boîtes. Tous les talents que j'ai découverts, que j'ai rencontrés, je les aurais tous exploités. Mais je préfère laisser les gens. C'est ça qui est marrant. Alors, si tu travailles avec des gens, tu restes pauvre. Et si tu les exploites, ça veut dire que tu réussis. Il y a pas que l'exploitation Je connais des personnes qui ont bâti leur carrière sur des mensonges. J'en connais. Mais je dis pas que ça existe pas. Je dis qu'il y a une autre manière. Et qu'il y a beaucoup de gens qui font des business et des réussites extrêmement propres. Pour terminer, quand bien même il a construit, les gens ont construit.